Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs ! Zawagnera ! Que Dieu vous tue ! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 46. Épisode 46. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner qu'on a actuellement des problèmes d'hébergement, mais c'est pas vraiment nouveau. On s'est déjà fait détruire deux comptes YouTube, vous le savez, deux comptes SoundCloud, vous le savez aussi, deux pages Facebook, bon... Et on va devoir trouver une nouvelle alternative d'hébergement. PewTube n'était pas mal, mais malheureusement un peu trop artisanal, visiblement. Il y a beaucoup de gens qui ont un navigateur qui n'arrive pas à prendre en charge, en fait, PewTube. C'est aussi simple que ça. Ou PewTube n'arrive pas à prendre en charge ses navigateurs, peu importe. Donc je vais essayer de trouver une alternative solide. J'ai plusieurs pistes. Malheureusement ça impacte un petit peu l'émission, mais bon, voilà, c'est là aussi que vous voyez qu'on ne souhaite pas que vous puissiez vous écouter librement et nous écouter librement. Enfin, quand je dis vous écouter, c'est écouter des idées qui vous correspondent, ou voilà, une parole assez libérée. Voilà, ça n'est pas véritablement toléré, donc rien n'est acquis, on essaye de faire en sorte que vous puissiez y avoir accès. Donc, on vous tiendra bien évidemment au courant, mais j'ai bon espoir que tout cela rentre dans l'ordre. Alors, j'enchaîne avec des rappels habituels. Premièrement, d'abord, vous pouvez nous contacter à notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative. Pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Vous devez aussi consulter notre site internet, démocratieparticipative.biz. Bon, si vous écoutez l'émission, je me doute que, voilà, vous le consultez. Enfin, c'est bien quand même de venir à la pêche aux news, c'est pas mal. Je pense que c'est bon pour les rappels. Et j'enchaîne avec la présentation de nos membres cette semaine. Donc, émission... Après la spéciale Noël, qui n'a pas été tellement écoutée, elle est disponible en téléchargement, ceci étant dit, je le précise. Hein. Donc si jamais, avec le lecteur, vous n'arrivez pas à l'écouter, voilà, bah, téléchargez-la, vous reportez à l'émission précédente, émission 46, hein, saison numéro 2, épisode 46, téléchargez-la, émission spéciale Noël. Voilà, vous l'écoutez sur votre lecteur, VLC, Media Player, peu importe. Et donc, cette semaine, c'est émission spéciale Nouvel An. Hein, donc voilà, on est en comité restreint de ce fait, vous ne nous en voudrez pas, mais on a voulu la faire quand même, par fidélité. Hein. Notre honneur s'appelle fidélité. Et je vais commencer avec les présentations, bien sûr, des participants. D'abord, Captain America, salut Captain, salut, comment vas-tu ? Hello Gandalf, hello les auditeurs, hello les participants, écoutez... Ça va, je déambule dans cette France afro-boniolisée avec ma foi un entrain assez jovial et bonhomique. J'espère que nos amis font de même. Et comme chaque semaine, je vous souhaite bien sûr une joyeuse France négrifiée, donc en avant Guingamp. En avant les nègres, en avant les nègres, exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une concentration de club négrifié en Bretagne, c'est le temps, le climat, ou les gens, en fait, peut-être. Peut-être les gens, d'ailleurs. J'enchaîne avec Argyle, qui nous rejoint très présent en ce moment, Argyle, j'apprécie. qui nous rejoint pour cette nouvelle émission. Il va nous faire partager ses saillies pleines d'humanisme et de tolérance, celles qu'on lui connaît. Salut Argyle. Salut et bonne année à mes compagnons de démocratie participative et bonne année aussi à nos auditeurs. Alors souvent, le début d'année, en particulier le 31 décembre, la tradition c'est de prendre de bonnes résolutions. Et bien justement, moi, je fais une bonne résolution, c'est que je vais être beaucoup plus ouvert à l'autre, beaucoup moins, on va dire, agressif avec la diversité, beaucoup plus compréhensif. Que je vais cesser tout soupçon, tout préjugé raciste vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des migrants en particulier, et vis-à-vis aussi des gens de gauche qui, somme toute, ont un idéal de progrès et d'accueil de l'autre. Donc voilà, c'est ma bonne résolution 2018. Je ne vous cache pas qu'en général, je ne tiens pas mes résolutions de nouvel an, donc ça ne devrait pas durer très très longtemps, et je crains qu'au cours de cette émission, je craque très rapidement. Ah oui, c'est bien observé ça. Alors moi, j'ai décidé pour le nouvel an, avec les bonnes résolutions, c'est d'être particulièrement agressif avec les métèques, avec les nègres, et surtout, extrêmement vicieux, sournois, retors avec les gauchistes. Alors comme moi, je tiens toujours mes résolutions de nouvelle année, je pense que je devrais m'y tenir. Donc voilà, je comprends ta démarche, je ne la partage pas, mais je t'encourage dans la direction que tu as choisie et moi dans la mienne. Voilà. Je crains que tu t'en aperçoives même pas. Hein. Tu sais, franchement, je ne les tiens pas longtemps du tout. D'accord. Fulbert est aussi avec nous pour cette bonne année, hein, Fulbert. Absolument. Très bonne année. Ah ben, écoutez, vous avez tout pris, vous m'avez rien laissé à m'occuper. Il me reste quoi ? Les démocrates, peut-être ? Hein, je sais pas. Il faudra encore que je réfléchisse là-dessus. Si, peut-être te ruiner pour sauver des juifs, comme Schindler. Ah oui, d'accord, c'est dur, c'est trop dur pour moi. oui, tu connais en fait ta médiocrité, donc tu sais que tu vas pas aller jusque-là. Donc, c'est bien de l'admettre, hein, de dire, bon bah voilà, j'aimerais pouvoir faire comme Schindler, j'aimerais aller, mais bon, je suis médiocre, donc je ne vais pas aller aussi loin. C'est bien, c'est un bel exercice de vérité, c'est bien en fait de se dire qu'en fait ça sert à rien d'être comme Schindler. C'est bien, bien, bien, Fulbert. Ta cave, sinon, des progrès Ah non, la cave avance plus. Je m'oriente vers plutôt. Un problème. Sur un projet de fil de fer barbelé, parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens à rééduquer à gauche, à droite, et je crois que les fils de fer barbelé, les clôtures, tout ça, c'est un grand avenir. Je pense. Ah, électrifié ? Ça c'est pour la prochaine étape. Oui. Non mais t'as vu, ça c'est mon côté bâtisseur. Ça, moi j'ai tout de suite. Mais t'as raison. Restons sur des trucs simples. Voilà, barbelé, poteau, basique. MacDav enfin est avec nous aussi pour cette émission. Salut à tous, chers amis, et bonne année. Bonne année 2018. Alors moi, pour les résolutions de bonne année, j'ai fait un vœu très simple, hein, c'est tout simplement d'éviter... Oui, j'ai fait un rêve, comme dirait l'autre nègre, juste éviter de me confronter aux bougnoules, aux nègres et aux gauchistes. Donc je fais en sorte de ne pas les croiser sur mon chemin. Voilà, c'est très simple, mais c'est vital, c'est tout. Là, c'est presque comme croiser les doigts, hein. Bah, j'en demande pas beaucoup, mais c'est vrai que ça va être difficile malgré tout. Oui, ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu, effectivement. Bon, avant de commencer les différentes rubriques de l'émission, je voulais démarrer par une remise de médailles, remise de croix de fer. Alors là, il y a une belle promotion. On a un certain nombre de récipiendaires de la croix de fer. C'est bien. Ça progresse. On a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui veulent participer, que ce soit l'opération témoin ou au Migrant Challenge. Le Migrant Challenge, je le répète, c'est que vous découvrez un pouilleux venu de je ne sais où, qui est un migrant, et vous prenez cette belle photo avec... Ben voilà, vous vous référez au Migrant Challenge sur le site, et vous vous mettez en situation, c'est tout expliqué. Et sinon, l'opération témoin, qui est peut-être encore plus ambitieuse, là, c'est de montrer aux Français la réalité, mais aussi aux Belges, aux Suisses, aux Québécois. Hein, voilà, c'est nous, on est dans la, comme j'aime à le dire, la francophonie positive, hein, c'est-à-dire la francophonie blanche. Donc, si vous avez des documents filmés, photographiés, voilà, n'hésitez pas, faites-les partager, et l'appel est entendu, hein, parce que là, nos auditeurs nous envoient de véritables chefs-d'œuvre. Et donc, bah, je me dois de non seulement de saluer, mais aussi de remettre à qui de droit les médailles. Alors, je vais commencer avec Serge, pour une très belle vidéo prise dans le métro parisien, avec un très beau spécimen de nègre. Alors, il y en a plusieurs, vous savez, les nègres, il y en a toutes les sortes. Mais ça, c'est un gros nègre, bien gras. C'est pas le nègre un petit mince, rachitique, là, vous voyez, là, de l'est de l'Afrique. Là, c'est le gros nègre, lourd, gras, huileux. Vous voyez, là vous sentez que vous êtes... Vous êtes au Mali. Non, pas au Mali, comment dire, en Côte d'Ivoire. Là, je sens l'ivoirien, bien gras, bien lourd... Et alors, il est répandu sur une banquette de métro parisien, ça fait son allure, les pieds à l'air, les claquettes par terre, une barbe hirsute, enfin, très beau spécimen de nègre. Très esthétique. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, je pense que si, quand même, notre équipe. Ah oui, moi je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour tous ces gens qui prennent le métro tous les jours, et puis qui négligemment, quelquefois, posent leur nez sur la vitre en regardant dehors ou ce genre de choses, qui regardent bien cette vidéo ou qui, par exemple, toucheraient un peu trop les sièges, ce genre de choses. Voilà, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont pouvoir s'apercevoir qu'il risque d'y avoir quelques incidents, bactérieux, oui, avec quelques petites bactéries qui risquent de choper ou quelques maladies, parce qu'il se met très à l'aise, hein, notre spécimen. Oui. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que les transports en commun, ça devient quand même quelque chose en Île-de-France. Bon, courage et amical salut à tous ceux qui passent par, malheureusement, cette épreuve. Voilà. Donc Serge, au nom de Démocratie Participative, nous te remettons une croix de fer de deuxième classe. Bravo pour ce reportage de la vérité vraie. Hein, voilà. Bravo. Bravo. J'enchaîne, cette fois-ci avec le Griffon Libre. Alors le Griffon Libre nous amène vers Lyon, et alors là c'est une petite vidéo, c'est un instant, c'était à Noël, le 23 décembre exactement, deux jours avant la venue du Père Noël, hein, voilà, il allait descendre par la cheminée, et donc un petit peu avant, voilà, bon, le Griffon Libre était parti à la part Dieu, pour faire quelques emplettes, et il nous a fait partager cette immersion dans la France nouvelle, dans la France de Noël de 2017. Et je dois dire que j'ai eu du mal à distinguer, en fait, avec l'immonde populace qu'on doit retrouver à Abidjan ou à Yaoundé. Donc j'étais un petit peu déstabilisé par ça, mais bon, c'est la France nouvelle, la France... d'un Noël très sombre, mais enfin bon, je sais pas, c'est un genre, peut-être que j'ai loupé un film. Vous avez aimé aussi ce passage-là? Moi, je me suis dit, c'est sympa, Noël. Imaginons un jeune couple de 25 ans, la part Dieu, voilà, des gros bamboulas. C'est marrant d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Les habitudes de consommation des nègres, c'est-à-dire qu'ils aiment les gros verres, vous savez, en plastique ou en carton, là, façon McDonald's ou Starbucks, alors ça, ils adorent, avec des grosses pailles, alors là, le nègre est content avec ça, et déambuler là-dedans, ça lui fait plaisir, quoi, hein, voilà, alors avec des coupes de cheveux improbables, des trucs hyper oxydés, enfin, Oui, Lyon, la capitale des Gaules, hein, gagne. Et bienvenue en enfer, je pense que ça résumerait assez. À l'antenne, devant l'antenne du centre commercial, bienvenue en enfer, ça serait pas mal. Oui, voilà. Tu mets un poilu de 14, tu le fais, t'es, genre hibernatus, tu le fais se réveiller en disant voilà, c'est Lyon en 2018, voilà. Et le mec fait une attaque cardiaque immédiate, quoi. Il a l'impression d'être projeté, comme si nous projetait dans Walking Dead, quoi. C'est à peu près la même chose. Effectivement, ouais, effectivement. Alors, du coup, le griffon libre, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, ces belles emplettes, hein, voilà. Alors, à Paris, j'ose pas imaginer, quoi, les galeries, les trucs, putain, c'est je ne sais même plus quel plaisir il y a, enfin, il doit y avoir des endroits protégés, je veux le croire, quoi, des réserves. Ah bah même les Champs-Élysées, hein, tu te balades sur les Champs-Élysées aujourd'hui, tu croises par groupe, par grappe, c'est à peu près la même chose, mais sur la plus belle avenue du monde. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Il y a ce phénomène-là qui se joue, ouais. Alors, griffon libre. Encore une fois, au nom de démocratie participative, nous te remettons une magnifique croix de fer de seconde classe pour ton travail, j'allais dire, d'immersion, hein, dans l'esprit de Noël à Lyon. C'était sympa. J'ai pas apprécié, parce que je peux pas dire que j'ai apprécié, mais bon, c'était un moment de vérité. On peut dire ça comme ça. Alors, là, Migrant Challenge, alors c'est du Migrant Challenge, mais pas vraiment du Migrant Challenge, en fait. C'est-à-dire que, ça se passe toujours à Lyon, d'ailleurs, c'est marrant, je sais pas pourquoi, il y a un sort qui a été jeté sur cette ville. C'est pas vraiment le Migrant Challenge, parce que normalement, il faut se balader avec une photo d'Adolf Hitler au milieu des migrants. Alors, vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire, effectivement, mais c'est pour ça que c'est un challenge. Et c'est pour ça que certains l'ont fait, d'ailleurs. Donc, on a eu un candidat, mais... qui a voulu quand même nous montrer. Donc, si vous voulez, c'est un truc qui est hybride entre le Migrant Challenge et l'opération témoin. Et alors là, on rentre dans la faculté de Lyon. On nous a pas dit laquelle, hein, quelle antenne, quel truc. Bon. Et alors là, il faut se reporter. On mettra les liens quand même pour l'émission. On les mettra, voilà. Ceux qui nous écoutent, là, bah, on vous met les liens en dessous de l'émission. Donc, on ne peut pas vous faire partager vraiment le son, parce qu'il n'y en a pas trop. Mais c'est assez magnifique. J'aime bien le voyage au milieu de tous ces métèques. Et surtout, l'arrêt dans les chiottes. Alors, nous a été précisé que... Enfin, à un moment donné, on arrive dans les latrines, quoi, de cette fac, où d'ailleurs, les salles de cours sont occupées par des nègres, hein, avec le concours de l'extrême-gauche, il y a des grosses vaches blanches, infectes, en surpoids, là, qui végètent autour du tas de merde, c'est-à-dire des 20 ou 30 négros qui sont planqués dans cette fac, et quand on rentre dans les toilettes, là, bon, il y a un gros tag « Refugees welcome », donc bienvenue les réfugiés, et quelqu'un a bien observé la présence de bouteilles vides. Alors vous allez me dire, et alors ? Et bien alors, le voilà le pourquoi du comment. C'est pas moi qui le sais, c'est notre fidèle lecteur qui nous a expliqué, qui s'est retrouvé dans la même situation, puisqu'il était aussi dans une fac où il y avait une très forte présence odorante islamique. Et donc, les bougnoules, quand ils vont aux chiottes, ne peuvent pas se torcher avec du PQ, d'accord ? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une bouteille humidifiée, voilà, une bouteille vide, humidifiée, avec laquelle ils se frottent la main pour se torcher le cul, parce que vous savez qu'on ne peut, dans le monde musulman, une fois qu'on a déféqué, on ne peut, se défaire de ce qu'il reste que de la main gauche ou droite, d'ailleurs, j'ai oublié. C'est laquelle ? Gauche. De la main gauche, voilà. C'est très précis, l'islam. Voilà, c'est très précis. Du coup, la bouteille humide dans les chiottes, enfin, la bouteille vide dans les chiottes, mais normalement humidifiée, c'est pour que les fils, les élateurs de Mahomet puissent se torcher le cul comme il se doit, voilà, en conformité avec l'islam. Ouais, c'est cette grande et belle religion, hein, cette civilisation, voudrais-je dire, voilà, quel islam, voilà. Alors là, je vous ai appris un truc. Moi, j'ai découvert ça. Vous l'avez découvert avec moi, donc quand vous voyez un gros bougnoule en faculté aller aux chiottes avec une bouteille, bah vous savez que vous n'allez pas lui serrer la paluche. D'accord ? D'ailleurs, même ne oui, serait... oui, effectivement, heureusement qu'on ne peut pas partager les bruits et les odeurs, en plus du son et des images, parce que alors, ce serait effectivement très difficile. Ne serrez pas la main aux musulmans. Et voyez, en général, ils n'ont pas trop envie de nous serrer la main non plus. Oui, c'est un fait, je te l'accorde. Mais disons que quand... ça, c'est pas mal, ça. Surtout avec les femmes, les gauchistes, mais les femmes. Expliquez-leur ce truc-là, vous dites. Mais pas du tout sur le truc, sur un ton vindicatif ou dénigrant. Vous dites... vous leur dites ça comme ça. Moi, j'ai arrêté le PQ. J'ai arrêté le papier toilette. Je ne me torche plus avec du papier toilette. Alors, tu sais, la femme, elle passe par toutes les couleurs. Et tu lui dis... moi j'arrête ça parce que grâce à mon ami Karim, j'ai compris que c'était très néfaste, parce que lui est un musulman pratiquant, il m'a expliqué que en fait se utiliser du papier toilette pour sa finalité, c'est pas du tout indiqué, et je préfère utiliser une bouteille humide avec ma main. Ouais. Alors... Allez-y, ça peut être marrant, vous voyez, ça peut être rigolo, vous dites d'abord, moi je ne me torche plus avec du PQ, je le fais à la main, alors la femme évidemment dégoûtée, mais prenez une grosse gauchiste, hein. Et ensuite vous expliquez pourquoi vous le faites, parce qu'en fait un musulman vous a expliqué comment il pratiquait, et vous lui dites qu'est-ce que tu en penses, quoi, tu vois, et alors là vous la torturez avec ça peut être très très très très rigolo, je le recommande beaucoup en soirée. Hein, si vous tombez sur une immonde gauchiste de faculté, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Hein. Et authentique, hein, d'ailleurs, hein, c'est de l'anthropologie appliquée, là. Dans les pays arabes, il y a une petite douchette, en fait, hein, pour te... Alors, généralement, c'est juste un tuyau d'eau, hein. Mais évidemment, il ne faut pas trop le toucher, le tuyau d'eau, parce qu'autour, il y a toute la merde des Arabes, mais c'est effectivement... toutes les civilisations se valent, il faut le savoir. J'espère que certains auditeurs sont en train de dîner, pour le nouvel déjeuner, en nous écoutant. Voilà. Non, moi je trouve Gandalf optimiste, avec cette histoire demain, hein, parce que les grosses gauchistes, dans le fond, quand tu es prête, en tant que grosse gauchiste, naturellement, à sucer un boubou noir, je vois pas pourquoi une main un peu merdique te gênerait encore, hein, franchement. C'est juste. Alors, on remercie Rick de cette... alors, je vous invite encore une fois, regardez cette courte vidéo, elle vaut vraiment le coup, moi j'ai beaucoup aimé. Remercions Rick pour ce moment. Tu reçois ta médaille, ta croix de fer de deuxième classe, Rick. Bravo. Et je termine avec une photo, là, pour le coup. Toujours opération témoin. Ça se passe à la station de métro d'Enfer Rochereau. Vous connaissez ça, c'est à Paris. Alors, c'est une photo superbe, magnifique, splendide. Vous avez toutes les plaques d'usage qui commémorent la résistance, de Roll Tanguy et compagnie en 1944, très très tardivement d'ailleurs, hein, quand même, bon voilà, hein, bon, des communistes qui ont libéré Paris de l'oppression nationale-socialiste, voilà, comme vous le savez, et donc vous avez ces magnifiques plaques, comme il y en a partout en France, quoi, je veux dire, entre l'appel du 18 juin, du 19, du 30, du 31 au soir, à minuit, voilà, les Toto qui a pris son vélo, qui est tombé en 43, qui finalement s'est découvert sur le tard à titre posthume, une vocation de résistant, bon, voilà, bon, la France est recouverte de tout ça, hein, des statues, des expositions, des beans, ça, avec beaucoup de juifs d'ailleurs. Et alors, on en a de magnifiques, là, d'Enfer Rochereau, la résistance et tout. Avec deux drapeaux tricolores, vous allez me dire, il y a deux drapeaux tricolores, peut-être que après tout, pourquoi pas. Mais il y a, en matière de tissu, il n'y a pas que ça, parce que tout au pied de cette magnifique plaque, on comprend pourquoi. Enfin, le sens de la résistance gaulo-communiste prend une nouvelle dimension, en quelque sorte, et effectivement. Il y a deux moukers voilés d'Algérie, je présume, ou alors c'est des Marocaines, je sais pas. Mais ça a l'air d'être de l'Algérienne, là, quand même. Ou peut-être plus au sud, encore que... voilà, qui devisent entre elles. Et là, je me suis dit, effectivement, d'Enfer Rochereau, PC de la résistance communiste sous la direction de Roll Tanguy en 1944, ça valait le coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, c'est une belle vision de la libération de la France, je trouve. Voilà, maintenant, c'est vrai que peut-être que les Allemands auraient pu dire, ah bah oui, si on avait su, on serait peut-être pas venu avec des chars. Ils se disaient peut-être qu'on vienne ou voir qu'on nous fasse venir, mais bon, peut-être avait-il des coutumes, des us et coutumes qui étaient encore trop européens pour qu'on puisse les accueillir à bras ouverts comme c'est le cas aujourd'hui. Mais je trouve que cette image est parfaitement symbolique de cette France libérée du joug nazi. Oui, c'est vrai. C'est 400 000 Allemands ayant occupé la France en 1944. Oserais-je dire que nous allons peut-être finir par les regretter ? Je ne sais pas. C'était une occupation, en tout cas, moins pesante. Et moins odorante. Oui, et... Tu voudrais dire que les nazis, quand ils se rimbalaient en France, ils agressaient pas les femmes françaises en mode « Mamzelle, t'as pas un 06 ?» Tu veux dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour se faire des françaises, c'est ça ? Je sais pas, je m'interroge, peut-être qu'après tout, les émeutes urbaines... les émeutes urbaines sont finalement quand même un rappel des barricades de 1944, et que peut-être finalement nous devrions y voir beaucoup plus un acte libératoire, plus que comme aujourd'hui. Mais pour se libérer de quelle oppression ? L'oppression blanche, l'oppression nazie ? L'oppression blanche, patriarcale, raciste, à laquelle nous contribuons contre notre propre gré, d'ailleurs. D'ailleurs, après l'émission, là, je vais me jeter d'un pont. Histoire d'être conséquent, voilà. Alors, bon, trêve de plaisanterie, d'Enfer Rochereau, voilà, très très belle photo, qui, une fois pour toutes, met la résistance gaulo-communiste au fond des chiottes, c'est-à-dire à sa place. Voilà, merci à toi, camarade. C'est Léo qui nous a offert cette photographie. Et merci au colonel Henri Tanguy, Roll Tanguy. Roll Tanguy, oui, non, lui qui reste où il est, d'ailleurs, dans sa tombe, c'est très très bien. Très très bien, très très bien. Alors, une fois toutes ces médailles, une bordée de médailles données, il a reçu sa croix de fer d'ailleurs, le camarade Léo, j'en profite pour annoncer l'arrivée de Frodon dans l'émission, et bienvenue à lui. J'espère qu'il va pouvoir participer. Je commence avec la rubrique numéro 1, autisme radical, vous la connaissez bien sûr. Sujet numéro 1, il faudra une autorisation pour coucher avec sa femme en Suède. Très intéressant comme évolution sociétale. La Suède introduit à partir du 1er janvier 2018 l'autorisation sexuelle. C'est comme ça que c'est appelé. Même au sein des couples. Ça, c'est la petite novation. L'homme devra, à partir de cette date, fournir une autorisation de la femme avant d'avoir une relation sexuelle. Sinon, il pourrait se retrouver condamné pour viol. Une autorisation verbale suffit, mais pour plus de sécurité, je cite l'article, cette autorisation peut se faire par écrit. Le gouvernement rouge-vert désire renforcer la législation visant les délits sexuels. Deux nouveaux types de délits seront par ailleurs introduits, le viol par distraction et l'agression sexuelle par distraction. Donc c'est l'agression sexuelle à l'insu de mon plein gré, en gros. C'est un peu l'idée générale. Alors, Magda avait des choses à dire là-dessus. Oui, alors, j'ai dit, je crois, dans une émission l'année dernière, qu'avec avec la logique de la dite culture du viol, on allait arriver... je disais ça un petit peu en rigolant, en fait, on allait arriver... au contrat avant pénétration. Alors évidemment pour les blancs, mais on y est. Tout prend une tournure de plus en plus tragicomique, et on a vraiment une gourafisation du quotidien. Donc pour l'instant c'est uniquement dans les pays protestants, je pense qu'on va pas tarder à y venir dans nos pays. Puisque, alors ça, c'est l'effet, en fait, de l'immigration, puisque tous les viols en Suède, et je dis bien 100%, ou quasi 100% des viols sont commis par des étrangers, mais malgré tout, tu as une hystérisation du féminisme qui se déverse uniquement sur le mâle blanc. C'est assez surprenant, mais effectivement, c'est le mâle blanc qui est responsable des viols que les femmes blanches subissent de la part des bougnoules. C'est complètement dingue, mais on y arrive. Donc avec la théorie de la culture du viol, en fait c'est une théorie qui voudrait que les hommes, donc évidemment les mâles blancs occidentaux, hein, auraient au cours de leur histoire violé des tas de femmes. Bah, je pense qu'ils ont eu des rapports sexuels sans leur consentement. Moi je pense qu'il y a une culture du viol, hein, mais c'est pas celle qu'on croit, quoi. Ouais, c'est une culture afro-bougnoulique du viol. C'est effectivement une culture musulmane, mais certainement pas une culture occidentale. Mais le problème, c'est que faire signer un contrat à un nègre analphabète, c'est pas possible. Donc il est évident que la mesure, elle vise les blancs. Mais la culture du viol, c'est une théorie qui dit que, en fait, tous les rapports sexuels ne sont pas consentis. Et que, en fait, avec cette théorie, et je crois qu'on va y venir bientôt, là, en France, puisque maintenant, je crois que c'est lorsque quelqu'un est accusé de viol, en fait, on renverse la question inquisitoire, si tu veux. On ne pose plus la question de savoir si tu as violé ou non. En fait, il faut prouver la preuve que tu n'as pas violé. Donc, c'est un petit peu un renversement dans la logique du droit. Et bientôt, ouais, quand tu voudras draguer une nénette, si tu la ramènes chez toi, il faudra signer un contrat, tu vois. Donc un contrat avant le bisou, un contrat avant l'amour, un contrat avant la pénétration, éventuellement une reconduction de contrat si tu souhaites remettre le couvert au petit matin. Enfin, ça devient vraiment de plus en plus délirant. Bah, et ça a l'air anodin comme ça, on en rigole, mais c'est assez grave, hein. Ah ouais, mais plus tard de rigoler un peu plus. Moi, je comprends parfaitement le gouvernement suédois, hein. C'est un gouvernement de taré, certes, mais je comprends parce que l'homme blanc est un vicelard. Dites-vous bien que cet enfoiré d'homme blanc a attendu que la Suède soit submergée par des enculés de toutes les couleurs étant des afro-musulmans venant d'Afrique et du Proche-Orient, pour commencer à violer sa propre femme. Je parlais de l'homme blanc au départ, hein. Et bon, donc ils ont attendu la submersion migratoire pour violer leur femme. Donc je comprends parfaitement le gouvernement suédois. Bah, déjà, ce qu'il faut faire observer, c'est que c'est assez intéressant. C'est qu'il y a, d'abord, il y a eu dans la foulée, il y a eu une manifestation de féministes, je crois que dans la ville de Malmö, qui est un repère bougnoul intégral aujourd'hui, hein, c'est une ville totalement bougnoulisée suédoise, hein, c'est une ville importante aussi, et c'est cette ville-là où il y a eu une manifestation contre le viol. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le point important, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Dans nos milieux, vous voyez, enfin, les gens qui pensent comme nous, enfin, quand je dis les gens qui pensent comme nous, c'est simplement ceux qui voient clair, hein. À utiliser, en fait, les contradictions de l'idéologie dominante, qui est une idéologie profondément, comme vous le savez, une idéologie gauchiste, égalitariste et marxiste. Et qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, c'est la dialectique, opprimé-oppresseur, qui est appliquée à absolument tout, hein. Donc là, ce dont on parle, en fait, c'est la logique de la lutte des sexes. Donc il y a la lutte des classes, la lutte des sexes, la lutte des races, revue et corrigée par, évidemment, les intellectuels juifs, notamment. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais la lutte des sexes, donc en gros, voilà, quand vous avez un rapport, quand une femme, selon ces gens, hein, selon ces féministes, enfin, c'est folle, quand vous avez un rapport avec votre compagnon, en fait, c'est pas vraiment consenti, quoi. C'est-à-dire qu'il a utilisé de biais divers et variés pour vous amener à la finalité qui est de vous soumettre et d'avoir une relation sexuelle avec vous. La relation sexuelle étant par nature la démonstration que vous êtes opprimé, c'est une oppression sexuelle en fait. Bon, ce sont des lesbiennes complètement flippées, bon, on va pas y revenir. Mais il faut pas hésiter à utiliser cette dialectique contre ces gens-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire quand j'ai vu les féministes là, suédoises manifester contre le viol en Suède, hein, bon, commis par les Blancs, bien sûr, c'est entendu, c'est de dire qu'en fait, que leur manifestation, et en général, leur opposition au viol, est en fait la marque d'une envie d'humilier, d'oppresser les minorités raciales. Voilà. C'est-à-dire que quand une femme lutte contre le viol en réalité, ce qu'elle veut faire, c'est, en tant que blanche, opprimer des mâles orientaux en privant ces mâles orientaux du plaisir d'avoir une relation sexuelle avec elle, voilà, au motif qu'elle serait blanche et que donc elle ne veut pas se livrer à ces barbares. Donc voilà, moi je dis, la lutte contre le viol est objectivement une manifestation du racisme structurel ambiant, c'est à peu près clair, et que dès que vous voyez une militante féministe s'opposer au viol et à la culture du viol, c'est évidemment la manifestation d'un privilège racial et un privilège de classe. Donc à bas les femmes qui veulent s'opposer au viol, c'est insupportable, oui au viol systématique, hein, surtout s'il est commis par des Africains, surtout s'il est commis par des musulmans et des Arabes, et ça tombe bien puisqu'il est systématiquement commis par des nègres et des Arabes. Donc voilà, cohérence totale. Je donne la parole à qui voudra bien la saisir sur ces bons mots. Je veux bien, je l'attrape la parole. Je voudrais revenir sur ce que disait MacDav, à savoir il parlait de goraphisation de la vie publique. Et ça va de pair avec la contractualisation de la vie privée. On avait vu ça déjà avec le droit à un enfant pour tous, et où on avait le démoniaque Pierre Berger qui expliquait qu'une femme pouvait très bien louer son ventre, etc. Là, on atteint un stade qui est tellement ridicule qu'effectivement, on croirait lire cette nouvelle dans le Gorafi. Bon, c'est pas le cas, c'est la vraie vie. C'est peut-être une façon pour la Suède de réagir de façon un peu plus libérale que la France. En France, on est dans un état bolchevique où quand quelque chose ne va pas, on fait une loi. J'ai l'impression que c'est également le cas en Allemagne où il y a eu des viols et on a dit « Ah, on va porter des bracelets pour dire le viol, c'est méchant ». Ils l'ont distribué, c'est une façon un petit peu originale de faire. En France, on aurait dit « Le viol, c'est mal, vous serez puni ». Et là, il se trouve que c'est en Suède, donc on dit alors il s'agit pas du viol directement, il s'agit simplement de gérer la vie privée des gens, de dire tu veux baiser, ouais, bon va falloir un acte écrit, etc. Pourquoi pas la preuve par un témoin aussi, comme à un mariage en fait. On pourrait avoir une cérémonie qui dirait voilà, vous avez consenti à forniquer pour la période de telle date à telle date, vos deux témoins vont signer, etc. C'est n'importe quoi. C'est juste hallucinant. Je suis curieux de savoir quelles sont les peines encourues par les personnes qui ne respecteraient pas la loi en Suède sur ce point-là. Est-ce qu'ils risquent de la prison ferme? Qu'est-ce qui se passe en cas de récidive? Oui. Il y a de la prison qui est prévue. Hein. Oui. C'est tout bonnement incroyable. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Du viol, est-ce que hein, si la femme n'a pas signé le contrat, elle aussi, est-ce qu'on se retrouve avec ça? Ça paraît un peu fou. Ça fait penser à comment s'appelait ce film là où une nana passait un contrat, mais c'était pour des rapports SM. C'était 50 Shed ou un truc comme ça. Et c'était ça en fait. C'était un contrat sur un plan baise. C'était pas un couple. C'était juste un plan cul. Et voilà, il y avait un contrat qui était passé. T'as l'impression que ta vie sexuelle fait partie d'un porno. Il y a un contrat, il faut gagner des sous, tout ça. Bon, c'est très curieux, c'est très très curieux. La Suède file un très très mauvais coton. Ouais, ben c'est ce qui s'était passé sur les campus américains avec les histoires là de culture du viol et compagnie. Tu as des types qui ont eu de la prison ferme pour ça. Alors c'est marrant, hein, c'est très souvent des blancs. Mais en fait, ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont fait une soirée trop arrosée. Ils rentrent avec une étudiante délurée qui elle aussi a pas mal picolé. Et en fait, a posteriori, enfin une fois l'acte passé, la femme regrette, alors que bon, elle était quand même consentante pour boire et pour allumer le mec et pour le ramener chez elle, enfin dans sa piole. Et puis ça se passe mal pour X ou Y raison. C'est peut-être un voilà, elle regrette, peut-être même qu'elle a trompé son mec, hein, c'est fort possible aussi. Et puis elle accuse le mec de viol. Donc il y a eu des mecs qui ont pris de la prison ferme. Ça a été quand même très très loin cette histoire. Ça a pas mal défrayé la chronique. Donc en fait les mecs maintenant effectivement ils sont sur leur garde. Enfin je sais pas si on imagine quand même, mais on se plaint que les mâles blancs ne séduisent plus, ne font plus premier pas. Et j'entends beaucoup de femmes dire ça. Mais si on criminalise comme ça le désir et la volonté masculine, bah on va voir plus que des fiottes. Ça va être un pays de fiottes. Bah, c'est l'objectif. C'est, je vais donner la parole à Argyle après, mais c'est évidemment l'objectif. C'est-à-dire que ces législations, j'en reviens un petit peu à mon point central. Moi, je l'ai souvent développé ici dans l'émission. C'est-à-dire que si vous laissez les femmes jouer un rôle en politique, notamment dans l'écriture des lois, donc si vous laissez les femmes entrer dans le corps législatif, ce qui est une hérésie, j'invite les gens à s'intéresser à l'Antiquité grecque notamment, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, elles vont chercher à dominer les hommes. Évidemment, vous donnez aux femmes un rôle politique, c'est-à-dire les moyens d'exercer un pouvoir, que vont-elles faire? Elles vont chercher à sécuriser ce pouvoir. Comment les femmes sécurisent-elles leur pouvoir? En neutralisant leurs compétiteurs immédiats que sont les hommes, c'est bien entendu. Donc, elles vont écrire des lois qui vont être tournées contre les hommes. Et comment s'attaque-t-on à l'homme, si ce n'est à sa sexualité? Donc les femmes veulent, en quelque sorte, contrôler le robinet de la sexualité masculine pour le manipuler. Tout le monde a bien compris, toutes les sociétés, même tous les états, et les systèmes politiques qui ont existé ont compris que la sexualité est une énorme source d'énergie et que celui qui la contrôle peut façonner la société, peut utiliser ses énergies à ses propres fins. Et donc, les femmes savent très bien que si vous pouvez, en quelque sorte, contraindre, frustrer sexuellement les hommes sous la menace, vous allez les faire filer doux, en fait, paradoxalement. Et donc, législation, non, tu peux pas toucher ta femme, tu peux pas truc, tu peux pas machin, sinon c'est un viol, il faut signer. Donc c'est une inversion du rapport de force, c'est-à-dire que c'est l'homme qui devient soumis à la femme et qui va mendier un rapport sexuel, et c'est elle qui, en souveraine, va dire oui ou va dire non. Dans le même temps, et c'est ça le plus fou, c'est que tous les jours en Suède, des blanches se font violer par des bougnoules et il ne se passe strictement rien. Donc on en arrive à un degré de dystopie absolue, où quand vous êtes un blanc, objectivement, le moindre regard de travers, le moindre geste peut être interprété comme une agression sexuelle, et vous êtes socialement pulvérisé par le gouvernement, tenu par les femmes, et dans le même temps, si vous êtes un bougnoule, vous pouvez violer, vous aurez toutes les excuses du monde avec les mêmes, et ça, c'est vraiment du cynisme et de la perversion. C'est mettre sciemment en confrontation les mâles orientaux ou nègres avec les mâles blancs. C'est pour ça que je dis que les femmes ne doivent avoir aucun rôle dans aucun état occidental. Absolument aucun rôle. Vous mettez les femmes dans un système politique occidental, elles vont détruire l'ordre social. Et elles ne savent même pas ce qu'elles font, hein. C'est de l'ordre du réflexe. Donc c'est une nouvelle manifestation de ce truc-là, quoi. Voilà. Maintenant, la parole à Argyle, qui va nous dire ce qu'il en pense. Bah, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. C'est le contrat. Alors certes, on signe un contrat, soit... mais alors, est-ce que tout est précisé dans le contrat? Parce que attention, d'un point de vue juridique, est-ce que la durée du coït, les positions qui sont effectuées, parce qu'attention, tout ça c'est important, Est-ce qu'il y aurait certaines positions qui pourraient être considérées comme une oppression patriarcale? Je ne sais pas, la position du missionnaire peut être considérée comme une oppression sur la femme et une volonté du mâle de l'oppresser, de la dominer, qui pourrait elle-même être condamnée. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont les précisions, parce qu'on sait très bien que d'un point de vue juridique, on peut pinailler sur beaucoup de choses. Donc je pense qu'il va se passer des choses très intéressantes dans les tribunaux, dans le tribunal suédois. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à mon avis, ceux qui ont pondu ce type de loi doivent avoir une vie sexuelle soit totalement différente de la relation homme-femme, ou soit totalement absente. Enfin, j'imagine que, comme le disait Gandalf, il s'agit de vieilles gouinasses desséchées, complètement dégénérées, qui, elles, doivent avoir une pratique relativement particulière. Et quand on connaît les pratiques d'un homosexuel célèbre, qui est Pierre Berger, qui attachait son partenaire Yves Saint-Laurent et qui lui avait fait manger ses propres excréments, on peut imaginer qu'il y a des contrats qui ne soient pas respectés vis-à-vis de ces deux personnes. Donc, je pense qu'on s'achemine vers des conflits juridiques, des conflits judiciaires très passionnants, très intéressants. Pendant ce temps-là, évidemment, les nouveaux Suédois ne manqueront pas, eux, qui ont une immunité, on va dire, culturelle, d'engrosser les petites Suédoises qui engrosser ou violer les petites Suédoises qui passeront à portée de chibre, puisque eux, évidemment, n'auront pas à respecter ce contrat, puisqu'il s'agit d'une particularité culturelle d'intégration qu'on leur accorde. Alors toi, tu dis ça sur un ton un petit peu ironique, sauf que moi je l'ai déjà lu dans la presse internationale à propos de la Suède, des tribunaux suédois, peut-être même en Allemagne, mais je crois que je l'ai lu en Allemagne, mais des tribunaux suédois ont déjà sanctionné le fait, dans des cas de viol, notamment d'Afghans sur des Suédoises, que le fossé culturel dédouanait l'auteur de sa responsabilité, et par conséquent, il ne pouvait pas être poursuivi. Donc, là, le jeune Mokhtar, provenant d'Afghanistan, qui viole une petite Suédoise de 13 ans, c'était souvent des trucs absolument glauques, hein, des trucs vraiment révulsants, eh bien, on avait des salopes de juges pour dire « Oui, mais en fait, vous comprenez, voilà, dans l'Afghanistan, le truc, le beans, ça se passe pas comme ça, et voilà. » Et il était dédouané, voilà. Donc, comme il n'était pas au courant des us et coutumes suédoises, on ne pouvait pas vraiment le tenir pour responsable. Donc, c'est pas juste une caricature, hein, ça a existé, ça s'est manifesté, des magistrats l'ont défendu, je crois aussi l'avoir vu en Allemagne, comme je le disais, donc attention, hein, quand on est dans l'autisme radical, on est vraiment dans l'autisme radical. Quelqu'un d'autre sur cette affaire, ou je passe au sujet suivant? Alors, Hopman, tu veux apporter ta réaction? Oui, alors en fait, bon, comme tout le monde le sait, hein, il y a des grands principes, principes masculins, principes féminins, sont toujours les femmes qui se font prendre, ce sont toujours les hommes qui prennent. Donc à partir du moment où les femmes castrent les hommes blancs, ben, il va bien falloir qu'elles se fassent prendre. D'ailleurs, ben, certaines font ça justement peut-être pour se faire prendre par d'autres. Elles mettent en compétition les mâles, ce qu'on peut voir dans certaines espèces de primates. Et même au niveau des civilisations, en fait, le principe féminin est toujours pris par le principe masculin. La civilisation minoenne, si je ne dis pas de bêtises, donc qui habitait la Crète il y a fort longtemps, était une société qui était assez féminisée et qui a donc disparu sous les coups de boutoir des proto-grecs, en fait, qui eux étaient fortement masculins et qui finalement se sont emparés de la Crète comme un homme s'empare d'une femme, en fait. Voilà. Il y a peut-être... Ouais, d'accord, ok. C'est un bon point à rappeler, mais de toute façon, là on touche à des vérités fondamentales, c'est-à-dire qu'un spermatozoïde est dynamique et dans le mouvement. Et un ovule est dans l'attente, dans la passivité. Enfin, le principe féminin est passif, enfin, il y a toute une série de qualités qui est inhérente au genre féminin, et toute une série évidemment de qualités qui est inhérente au genre masculin. D'ailleurs, il y a un excellent article, j'ai pas la source, mais qui revient justement sur le fait que non, on ne peut pas changer de sexe, et qui explique en fait que les différences sexuelles ne sont pas du tout limitées à une paire de seins et à une paire de testicules. C'est, dans le corps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. il y a une quantité de différences. Ça, c'est juste deux aspects. Les aspects sexuels ou sexués, si vous voulez, sont vraiment les aspects les plus visibles, les plus identifiables. Mais dans le corps d'un homme et dans le corps d'une femme, il y a vraiment des différences très profondes et nombreuses. Donc voilà, c'est bon quand même de le rappeler. Et quand, je l'ai dit, quand les femmes font de la politique, ça termine très très très mal. Et d'ailleurs, c'est vraiment une idée reçue, ça. Les femmes aiment bien dire « Ah bah oui, bah vous les mecs, de toute façon on vous connaît, vous adorez vous foutre sur la gueule. » Il n'y a rien de plus faux que cette idée reçue. Parce que quand vous mettez, je l'ai déjà dit dans l'émission, mais quand vous mettez 30 femmes en même temps et quand vous mettez 30 hommes en même temps, En règle générale, au sein du groupe de 30 hommes, vous aurez des coteries, vous aurez des gens qui vont se regrouper par affinité. Parfois, vous aurez quelques petites tensions entre un individu et un autre individu, mais globalement, ça va à peu près bien fonctionner. Je dis à peu près. Parfois, de temps en temps, il y aura une petite bagarre, mais voilà. Les femmes vont se crêper le chignon en permanence. Elles vont médire, persifler, c'est absolument impressionnant. Chez les hommes, il y a vraiment un esprit, j'allais dire, de camaraderie inhérent, de fraternité inhérent, qui est très réel, et qu'on ne retrouve pas chez les femmes. On ne retrouve pas du tout chez les femmes, pourquoi ? Donc voilà, donc il faut garder ça à l'esprit, parce que ça, ensuite, vous le retrouvez dans le domaine politique. Donc quand vous mettez des lois comme la parité en place, c'est pas juste dire « Ah bah voilà, il y a la moitié de femmes, la moitié d'hommes ». Non, ça a des conséquences beaucoup, beaucoup plus profondes. Dans la prise de décision, évidemment. Alors, j'enchaîne avec le sujet numéro 2 de notre rubrique Autisme Radical. Et ça fait un peu le lien, en fait. Ça se passe à Langeac. C'est un coup de couteau qui a été donné dans un repère clandestin. Et la mère a déploré un drame de l'alcool. Je vous lis l'article. Hein. Ça, j'ai oublié d'ailleurs l'origine. Je vais quand même vous donner cette origine. Pas qu'on dise que je fantasme. Alors, oui, c'est le magazine, enfin c'est pas le magazine, c'est le journal La Montagne. Voilà, c'est le journal La Montagne qui l'explicite. Alors, les circonstances exactes restent encore à établir, mais un homme a reçu plusieurs coups de couteau dans la nuit de lundi à mardi au sein d'un logement du centre d'accueil de demandeurs d'asile, le CADA, de Langeac, dans le centre-ville de cette commune. Mardi soir, l'état de ce trentenaire était encore inquiétant. C'est lorsqu'une rixe a éclaté entre résidents sur fond d'alcool que les coups de couteau auraient été portés. Les gendarmes, prévenus par d'autres résidents, se sont rapidement rendus sur les lieux. La victime a été hospitalisée au Puy-en-Velay. L'auteur présumé des coups de couteau ayant pris la fuite, le capitaine de gendarmerie Olivier Leroux, commandant la compagnie de Brioude, a mis en place un dispositif de recherche. Pendant toute la nuit, 12 militaires ont tenté de retrouver l'homme à Langeac et aux alentours avec le renfort d'un chien pisteur venu de Clermont-Ferrand. C'est finalement en milieu de matinée, ce mardi, à la gare SNCF de Brioude, qu'un homme qui correspondait au signalement a été repéré par les militaires. L'interpellation s'est déroulée dans le calme et le suspect a été placé en garde à vue. Le maire de Langeac, enfin la maire, Marie-Thérèse Roubaud, a déploré un drame de l'alcool. Quant à Laurence Lebrat, la présidente de l'association Hospitalité en Langeadois, qui gère le CADA, elle a expliqué ce mardi que ses équipes étaient mobilisées en soutien aux deux familles. Ce drame détonne, alors là je cite la presse locale, hein, ce drame détonne dans le climat très apaisé qui règne au sein du CADA de Langeac. Alors là je prends vos réactions. C'est très ouais, apaisé. Ouais, mais en fait. C'est toujours la même chose en fait. Quand un fourgon fauche 80 personnes, ben c'est la faute du fourgon, tu vois. C'est pas la faute du mec qui conduit. Ben là c'est la même chose. C'est l'alcool. En fait, ils vont utiliser toujours n'importe quel moyen possible et imaginable pour dédouaner les nègres et les bougnoules de leur responsabilité en fait. Bah moi j'ai envie de dire quand tu mets une femme à la tête d'un truc politique, donc comme une mairie. Elle va chercher à éviter le conflit. Donc, elle va pas dire « On me met des Arabes et des Nègres sur les bras qui viennent du tiers-monde dans leur pays, là où ils s'égorgent tous. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'égorgent tous, comme chez eux, chez moi. » Non. Elle va chercher à faire passer la pilule, à enrober, etc. Alors, je ne dis pas que c'est l'apanage exclusif des femmes, mais les femmes vont systématiquement chercher à éviter tout ce qui pourrait accélérer, accentuer les tensions. Hein, voilà. Donc voilà, donc oui, mais vous comprenez, c'est l'alcool, toutes les explications psychologisantes, voilà, c'est pas la faute à, c'est pas vraiment la faute à Mohamed, c'est pas vraiment la faute, comment dirais-je, à Abdelkader, s'ils sont en train de se suriner comme des gorets passé minuit parce qu'ils ont picolé comme des dingues, parce qu'évidemment dans l'islam on s'arrange toujours plus ou moins bien avec le Coran et avec les préceptes hein, de Mohamed, quoi. Donc voilà, non. Bon, vous comprenez, voilà, le malaise, la pauvreté, bon. Ben voilà, moi j'ai envie de dire, mettons plus de femmes aux responsabilités, même à la tête de l'armée, de la police, voilà, je pense qu'on aura des résultats probants, à mon avis. Argyle. Oui, moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est, est-ce que la mairesse aurait eu la même réaction si c'était agi d'un militant d'extrême droite bourré qui aurait saigné un migrant. J'aurais voulu savoir si elle aurait parlé là aussi du drame de l'alcool. Je crois que rien qu'en posant la question, j'ai déjà la réponse. Oui, oui, c'est très bien observé, bien sûr. Évidemment, la réponse est dans la question. Ah, que... Moi, ça me fait penser en fait aux féministes, hein, parce que c'est... Les féministes ont en partie obtenu l'interdiction de l'alcool dans les années 20 aux États-Unis, au Canada, en Finlande aussi, je crois. Très juste, très juste. Donc, c'est les femmes, en fait. En fait, c'est... Là, actuellement, tu vois, j'ai remarqué que... Alors, c'est pas en lien avec l'alcool directement, mais elles veulent nous faire rouler à 80 km/h. Et ben, il y a que des gonzesses. En fait, elle voit qu'il y a effectivement que, bah voilà, non, puisqu'on roule, il peut y avoir des accidents de la route. Donc, elles vont se dire, ah bah tiens, si on fait encore rouler les gens à 80 km/h, va peut-être avoir un petit peu moins de morts, quoi. Puis après, ce sera 70, puis après 60. Et en fait, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas de résultat. Parce que les femmes ont peur de la confrontation et de la violence. Donc, elles pensent que. En interdisant certaines choses, des voitures, de l'alcool, y aura pas de confrontation, mais c'est juste faux. C'est bah oui, inhérent à la nature humaine. C'était ce dont on parlait dans le cas de la Suède. Et encore là, c'est-à-dire que les femmes cherchent à annuler ou à supprimer l'avantage qualitatif dans la compétition qu'ont les hommes sur elles, c'est-à-dire l'avantage physique. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus casse-cou, sont beaucoup plus prêts à affronter le risque, ils sont beaucoup plus prêts à s'exposer, quel que soit le domaine, que les femmes. Et évidemment, les femmes se disent, si on parvient en fait à corseter cette aptitude chez les hommes, c'est-à-dire donc, cette capacité à se bagarrer, à prendre du risque, etc., si on parvient en gros à les domestiquer et à les ramener à nos standards à nous, là on va se battre à armes égales et on verra bien ce qu'on va voir, quoi. Hein, bon. Et évidemment, ça se passe jamais comme ça, parce que c'est contraindre la nature profonde de l'homme et aussi contraindre la nature profonde de la femme, bien sûr. Et donc voilà, et évidemment, et ça c'est le plus cocasse, c'est que l'homme blanc, qui est peut-être fatigué en fait d'à peu près tout, se dit bon allez je vais être coulant avec ma compagne, hein, bon symboliquement la femme blanche quoi, eh bien pas de bol pour lui, hein, la nature ayant horreur du vide, c'est quand même bien fait ces choses-là. Envoie du Mamadou, du Boubacar, du Toufik, tout mettre en l'air, tout renverser, n'ayant rien à foutre de rien, allant directement à la confrontation pour une clope, roulant comme un dingue avec une bagnole volée, etc. Et là, tout le dispositif d'encagement de l'homme blanc mis en place par les féministes vole en éclats. Pourquoi ? Bah parce que, en fait, les nègres et les bougnoules ne sont même pas capables de comprendre ce dont il est question et n'appliquons bien évidemment jamais les préceptes que défendent ces femmes-là ou ces demi-femmes-là. Voilà. Donc, bon. Est-ce que les hommes blancs veulent encore être très longtemps les couillons des femmes blanches ? Je pose la question. Moi, je les invite franchement à cesser un peu le tir. Hein. Je veux dire, voilà, non. Non, hein, je crois que ça sert à rien. Quelqu'un d'autre là-dessus ? Enfin, c'est une discussion très générale, mais bon. En gros, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Quand Argyle parle de skinhead, en fait, c'est voilà. L'homme blanc, on peut lui couper les couilles en 20 morceaux, il n'y a pas de problème. Quand c'est Mamadou, il y aura toujours une excuse. Voilà, bon, bah, bien sûr. Non ? Pas spécialement ? D'accord. Alors, rubrique suivante, chers amis, c'est la rubrique numéro 2, donc on quitte rubrique autisme radical, et on arrive avec la rubrique numéro 2, humeur du califat. Alors là, on va vers les sables de l'Orient, vous allez me dire en Bretagne, je vous répondrai non, c'est pas à l'Orient, c'est en Orient, mais Orient sur la Tamise, hein. On va à Londres, c'est le maire de Londres. Cette fois-ci, qui est dans Humeur du Califat, que nous dit-il le maire de Londres ? Alors là, je cite un article qui fait état, dans un article de Breitbart, qui fait état des derniers hauts faits de l'édile de la capitale britannique. Voici ce qu'il nous dit cet article. Le maire de Londres, le musulman d'origine pakistanaise Sadiq Khan, a une nouvelle fois fait part de son opposition à la venue du président américain Donald Trump en expliquant que la capitale britannique était, je cite, « un exemple de tolérance, d'acceptation et de diversité » et ne pouvait en conséquence accueillir le chef de l'État américain. Sadiq Khan, un ancien avocat de terroristes d'Al-Qaïda liés au septembre proche de mentor des attaques de Charlie Hebdo, a fait cette réponse par écrit à un membre du conseil municipal de la ville qui lui demandait comment faire en sorte que Donald Trump se sente, je cite, « bien accueilli » en cas de visite. L'édile musulman est allé plus loin, rappelant qu'il avait déjà appelé Theresa May, donc le Premier ministre britannique actuel, à annuler cette visite d'État mal avisé, car elle mettrait, d'après lui, les intérêts et la sécurité des Londoniens, intéressant, hein, D'après le maire musulman Sadiq Khan, la visite de Trump mettrait en jeu les intérêts et la sécurité des Londoniens. Et ensuite, il s'est empressé de conclure que toute visite officielle ne serait pas la bienvenue. Alors, chers amis, donc voilà, Khan le sadique, comme j'aime à l'appeler, brille encore une nouvelle fois de mille feux et explique que, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi, il n'est même pas en charge de la diplomatie britannique, mais voilà, il dit non, il ne peut pas venir, et puis c'est pas rien, je veux dire, c'est pas le président de la Suisse ou le président du Liechtenstein, hein, c'est le président des États-Unis, non, il ne peut pas venir à Londres, il ne peut pas venir en Grande-Bretagne, c'est une insulte aux musulmans, c'est un appel à la haine, c'est intolérable, il faut que ça cesse, j'ai demandé au Premier ministre britannique de décommander, d'arrêter immédiatement, bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Argyle, je veux ta réaction. Bah, c'est vrai qu'en France, on a des élus quand même assez gratinés, hein. La mère Hidalgo est pas mal dans son genre, mais les anglo-saxons ont eux aussi leurs élus, qui sont quand même assez impressionnants en matière d'ouverture à l'invasion. Et là, c'est le top du top, c'est un maire musulman sur la capitale de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et donc ce petit paquis arrogant défie le président des États-Unis, Donald Trump, suggérant qu'il pourrait y avoir des problèmes de sécurité. C'est très important. C'est en justifiant à l'avance des problèmes de sécurité, voire en souhaitant. La façon dont il le dit, c'est l'air de dire, voilà, s'il y avait avant ou pendant ou après un attentat islamiste, eh ben, vous n'aurez qu'à vous en prendre qu'à vous-même en ayant accepté cette ordure de Donald Trump. Donc il est clairement dans une phase d'installation de l'islam en Europe avec une volonté de s'en prendre à celui qui veut justement préserver le monde occidental dans son ensemble de l'invasion afro-musulmane. Et donc là, on est véritablement dans un conflit direct et Sadiq Khan ne cache pas du tout son jeu. En tant que musulman, en tant qu'islamiste. C'est clair que s'il ne veut pas, s'il est aussi haineux, puisque, bon voilà, comme tu dis, il n'est pas non plus responsable de la diplomatie anglaise, il n'a pas de poste au gouvernement, même s'il est maire de la plus grande ville du Royaume-Uni, mais en aucun cas, comment peut-il se poser en donneur d'ordre à la première ministre anglaise, au gouvernement anglais, face à la visite du chef d'État de la première puissance du monde. Là, on voit vraiment qu'il parle au nom de l'Oumma, il parle au nom des musulmans, il parle au nom des islamistes. Il est complètement sorti de son rôle de taqiya, de maire de tous les londoniens. Non, là, clairement, il parle au nom des islamistes. Donc, c'est très, très important comme information et comme attitude hautement arrogante de la part de cette sous-merde pakistanaise que les électeurs londoniens, bravo à eux, ont élu, en particulier les électeurs blancs londoniens. J'espère qu'ils vont bien bouffer de la charia, qu'ils vont bien bouffer de la dimitude, parce qu'ils méritent que ça. Je parle évidemment des électeurs de cette saloperie de Sadiq Khan. Je pense que eux sont vraiment à un stade d'ethnomasochisme qui arrive presque au suicide physique direct. Magdav. Ouais, Khan le sadique, c'est vraiment une putain d'enflure musulmane. C'est vraiment, tu vois, moi je regarde sa fiche Wikipédia, alors tu le vois avec son petit chapeau d'avocat, son petit chapeau de baveux, mais putain, mais c'est vraiment de la saloperie de bougnoule. Mais tu peux pas les changer, ces types-là. Tu leur mets un costard cravate, tu les mets en place dans le... Ils sont à la tête d'une des plus grandes villes du monde et des villes les plus puissantes, mais ça reste des putains de sales bougnoules. Et quand t'entends dire que vraiment cette saloperie dit qu'il ne pourrait pas garantir les intérêts et la sécurité des londoniens, mais seul un bougnoule peut se permettre un double discours aussi sadique. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, il y a des bougnoules. Les bougnoules, chez nous, ils agressent les gens à l'acide. Parce que maintenant, les livreurs ne peuvent plus se trimballer après 20h dans certains quartiers de Londres. Puisque, effectivement, les bougnoules jettent de l'acide. Mais c'est votre faute, en fait. Hein, c'est votre faute. C'est vous qui nous provoquez nos pulsions de sales bougnoules. Mais j'espère vraiment de tout cœur que les Anglais vont se réveiller et vont foutre cette sale race, cette sale engeance de crouille de merde dans la Tamise, vite fait, bien fait. Fulbert. Ouais, moi je voudrais un petit peu me défouler avec une petite minute de haine raciste. D'abord, ce type-là, Sadiq Khan, c'est un putain de potentat oriental qui s'imagine probablement que Londres est déjà le noyau du futur califat britannique. Ça, c'est un. Ensuite, c'est un Pakistanais. C'est un Pakistanais musulman, bien sûr. Parce que rappelez-vous qu'en 47, lorsque les Anglais, justement, donnent l'indépendance à l'Inde, il y a plusieurs possibilités qui sont évoquées. C'est une Inde unique, c'est une Inde séparée entre les musulmans et les hindous, hein, hindous religieux, l'hindouisme. Et finalement, ça va déboucher sur un partage de l'Inde avec un Pakistan oriental, occidental, c'est-à-dire le Pakistan actuel, et un Pakistan oriental. Ce Pakistan oriental, c'est l'ancienne région que l'on connaissait sous le nom du Bengale, et qui va devenir par la suite, après une révolte populaire, le Bangladesh. Ouais. D'où seraient issus, rappelez-vous, les Rohingyas, oui. Ces fameux putains de Rohingyas que les Anglais avaient repoussés hors d'Inde, qui se retrouvent en Birmanie, et qui font les feux d'actualité de toutes les organisations des droits de l'homme, humanitaires, j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, il y a peu de temps, par intérêt pour la chose, j'ai regardé un film. Je fais pas de la publicité pour le film, j'en ai rien à cliquer. Mais, ce film s'appelle Le dernier vice-roi des Indes. Il est relativement récent. Et on montre très bien les relations entre les différents dirigeants politiques anglais, hindous et futurs pakistanais. On voit qu'elle est là, outre les intérêts de l'Angleterre, les intérêts du Pakistan, c'est-à-dire des musulmans, et les intérêts des hindous, Mais on s'aperçoit qu'en fait, tout ça n'a été qu'un gros calcul, mais c'est un petit peu en dehors de ce que je voulais dire. Ce qu'on voit, et ce que, si l'on se penche sur le côté historique, on verrait qu'il y a eu des massacres d'une ampleur incroyable entre hindous et musulmans, parce que les hindous ne se sont pas laissés faire. Parce que clairement, les musulmans indiens, futurs pakistanais, étaient des gens imbouffables. Probablement pas très loin de ce que sont les Rohingyas aujourd'hui, puisqu'ils viennent un petit peu de ces populations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous rappelez que Sadiq Khan est issu de ce monde-là, avec ses tares, et qu'en plus, c'est un avocat. C'est un avocat, c'est-à-dire que c'est, je ne trouve pas le mot, si, roublard, voilà. Je connais le mot en wallon, mais pas en français, mais c'est roublard. Avec, en plus, c'est un avocat, donc il y a toutes les qualités de roublardise que peut avoir un avocat. Voilà, c'était ma petite minute. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit. Et ce qu'a dit MacDav aussi, c'est-à-dire que ces gens-là, tu leur fous un costard cravate, ils changent pas. C'est-à-dire que quand tu regardes Sadiq Khan, donc Khan le sadique, tu le regardes, avec sa petite gueule de pruneau, là, machin, tu te dis, ça pourrait être le petit Mohamed au coin de ma tour, qui vient... parce que lui, tu vois, c'est un avorton. Donc tu sais que c'est le mec, c'est le petit malin, c'est l'avorton de la bande, mais qui est le plus malin de tous, et qui tend les traquenards, en fait. Et tu vois que ce type-là, c'est une salope. C'est marqué sur sa gueule, c'est marqué sur son physique, tu vois que le mec est faux, le mec il est prêt à tout, c'est absolument évident. Et qu'il soit en jogging Adidas ou bien qu'il soit en costard cravate, c'est les mêmes, ils changeront jamais. Tous ces bougnoules, tous ces putains d'Afghans, de Pakistanais, toute cette race maudite qui vient du monde musulman... est immuable au travers des siècles et au travers des endroits où ils s'établissent, quoi. Alors, ce que tu as dit sur l'attitude du Pakistan, très intéressante aussi, bien sûr, je ne vais pas y revenir. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, c'était un bon rappel. Mais le truc le plus pointu que tu as dit, c'est, bah, moi je l'ai dit aussi, c'est que c'est un avocat, mais pas n'importe quel avocat, c'est l'avocat de terroristes du 11 septembre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a défendu des membres d'Al-Qaïda. Donc évidemment, pensez bien, alors là, je veux dire, il faut bien vous dire une chose, parce que la légende démocratique veut que l'on fasse croire que les avocats n'ont absolument aucun lien, ni de près ni de loin, avec leurs clients quand c'est politique. C'est-à-dire que voilà, c'est l'avocat est choisi au hasard, défend une cause au hasard, et n'a aucune proximité. Oubliez ça tout de suite. C'est-à-dire que quand Sadiq Khan défend des membres de terroristes du 11 septembre, il faut bien comprendre que ce type a une proximité évidente, à la fois culturelle, raciale et surtout politico-religieuse avec ces gens-là. C'est absolument clair. Donc, ce type est un compagnon de route d'Al-Qaïda, un compagnon de route des éléments les plus radicaux, ce qui ne l'a pas empêché de faire carrière. Et une fois en position, et ça c'est le plus fou, à la tête de Londres, ouvertement, il se dit, voilà, c'est bon, je suis maintenant dans une position de pouvoir, je vais faire pression. Alors, il ne fait pas pression au nom de l'islam. Parce que tous les musulmans en Europe ont bien compris ça, et en France aussi. Ils savent très bien que s'ils arrivaient avec la bannière islamique pour lutter contre... Ça ne marcherait pas avec l'immense majorité des Européens. Donc ils visent une rhétorique empruntée aux Européens, et en l'occurrence aux franges progressistes, socialistes, gauchistes, voilà, démocrates du monde européen, sans jamais y souscrire. Donc ils disent, voilà, ah bah oui, Donald Trump, il porte atteinte à la tolérance religieuse. Imaginez, l'avocat de membre d'Al-Qaïda vous explique que Donald Trump porte atteinte en Grande-Bretagne à la liberté religieuse. Voilà, on en est là. Et ça passe très bien. Et vous avez la gauche communiste, la gauche socialiste britannique qui évidemment se solidarise, les bobos, les hipsters dégueulasses de Londres qui se solidarisent parce que eux ne voient que leur lutte antifasciste qui les aveugle totalement. Et tu termines ben, avec un maire musulman pakistanais lié aux éléments les plus radicaux qui prétend interdire de séjour le président des États-Unis, première puissance mondiale, principal allié de Grande-Bretagne, d'une visite d'État à Londres, ou en tout cas de la parasiter au maximum, bah voilà ce qui arrive quand on fait venir des musulmans dans son pays, on devient un pays musulman. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, et la France aussi, hein, je veux dire, mettez un musulman à Paris, il se passera la même chose, hein. La Grande-Bretagne devient un pays du califat islamique, et donc, dans un pays du califat islamique, un blanc, un chrétien, ne peut pas arriver s'il est dans une position de résistance à ce califat. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Bon, ça sera jamais analysé comme ça dans la presse française, et pour cause. Et d'ailleurs, Hidalgo se fait fort d'être la meilleure amie de Ken le sadique, hein. Je veux dire, elle est en photo. Elle a même été jusqu'à tout de suite après l'élection de Trump. Elle a été jusqu'à poser avec lui en disant Trump est un imbécile parce qu'il veut empêcher les musulmans d'aller aux États-Unis. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence. Absolument incroyable. Quelqu'un d'autre ? Vas-y, Fulbert. J'ai une petite dernière chose à ajouter. On pourrait dire que c'est un retour, un coup de boomerang de l'ancienne colonie indo-pakistanaise à l'Angleterre. Mais je suis pas d'accord. Parce que les gouvernements anglais qui se sont succédés, qui sont issus de la Seconde Guerre mondiale et qui se sont succédés au pouvoir en Angleterre, ont tous fermé les yeux sur une réalité qu'ils connaissaient, dont ils connaissaient les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire la sauvagerie inhérente qui s'était produite, inhérente aux musulmans pakistanais, qui s'était produite alors qu'ils tenaient encore le pays et qu'ils l'ont laissé aller en 47 lors de l'indépendance. Or, ces gouvernements, à commencer par le gouvernement de ce gros alcoolique puant le cigare de Churchill, ils ont laissé peu à peu laisser se faire une immigration qui est devenue à un certain moment tout à fait incontrôlée, et ils ont laissé revenir chez eux ceux qui provoquaient des drames terribles dans leur ancienne colonie. Alors, je suis désolé, si moi qui suis un abruti, je me souviens de cela, même sans avoir vu le film dont j'ai parlé, mais que valaient les gouvernants anglais qui se sont succédés depuis lors? Qu'est-ce qu'ils valaient réellement? Qu'est-ce qu'ils voulaient réellement? Bah, là tu dis un truc important, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on va pas plaindre la Grande-Bretagne, mais c'est pareil pour la France, on parlait là de la résistance, etc., anti-nazis, avec les bougnoules en voile là, d'enfer au chereau. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces gros enculés d'anglais qui ont mis à feu et à sang le continent européen en 1939 parce que c'est eux qui ont poussé avec les juifs américains, les polonais dans leur dernier retranchement pour un corridor de voie ferrée vers Dantzig. Bon, voilà, ces gros enculés ont perdu leur empire, ou plus exactement, ils l'ont retrouvé chez eux. C'est bien fait pour leur sale gueule. C'est bien fait pour leur sale gueule. Moi, je suis désolé. Ces gens-là, ils ont quand même mis la race blanche et l'Europe dans une situation dramatique. Dramatique. Je vais pas non plus pleurer sur les conséquences qu'ils payent directement. Alors, ils ont mis un musulman à la tête de leur capitale, voilà. Bon, bah, demain, ça sera Birmingham, et puis ensuite, ça sera Cardiff, et puis ensuite, voilà. Eh bien, tant mieux pour leur sale gueule. Tant mieux pour leur sale gueule. S'il y a un pays... dans toute l'Europe, qui doit crever sous l'invasion musulmique, c'est vraiment l'Angleterre. Je veux dire, moi, si on me demande mon avis là-dessus, ce sera certainement celui-là. Ouais. Absolument clair, quoi. Absolument clair. Alors, je donne la parole à Frodon. Oui, tout à l'heure, tu parlais de race maudite. Et il se trouve qu'il existe une malédiction qui frappe tous ceux qui se sont mis en face de Trump, tous ses adversaires, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des journalistes, des politiciens, etc. De tous les côtés, c'est tombé pendant l'année qui a suivi son élection, dès peut-être même le jour de son élection, même pendant la campagne présidentielle. On se souvient de Hillary Clinton qui était très malade et qui l'est toujours. Mais en fait, c'est le cas de tous côtés. Et on peut que souhaiter le pire à Sadiq Khan et se mettre face au train Trump, ça n'est pas une bonne idée. Et tant pis pour lui s'il a décidé de s'exposer, de passer sous les roues. L'autre point que j'aimerais rappeler, c'est que les États-Unis et l'Angleterre sont des alliés depuis de très longues dates, même un siècle. Ouais. Même si ça, il y a eu aussi des guerres, etc., la guerre d'indépendance entre autres, etc. Mais le fait est que depuis très très longtemps, on considère l'Angleterre comme étant le cheval de Troie des États-Unis. Peut-être à tort. Peut-être que pendant très longtemps, les États-Unis étaient simplement le jouet, le pantin de l'Angleterre. On ne sait plus trop qui contrôle qui. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que si les États-Unis et l'Angleterre viennent à se quereller, il fera pas bon être le perdant des deux. Ça c'est une certitude. Et puis d'autres voudront prendre la place, hein, forcément. C'est toujours comme ça. Donc, on peut espérer que le meilleur, que le meilleur, dans le bon sens du terme, pour Sadiq. Et en espérant voir Trump encore dominer ses adversaires pendant très longtemps. Là, ce que tu dis aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens, ceux qui nous écoutent, doivent bien avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que quand vous laissez les musulmans, en règle générale, de toute façon, d'autres peuples, d'autres populations, c'est-à-dire des populations non blanches, mais là, en l'occurrence, des populations musulmanes, s'installer en masse dans votre pays, ce n'est pas indolore et ça n'est pas sans coût. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est de devoir s'aligner sous la menace sur les intérêts de la Oumma ou du califat virtuel. Alors bon, il n'est pas constitué, mais bon, il y a une aspiration globale, de toute façon, dans le monde musulman au califat. Donc au moins de la Oumma, voilà, une obligation de s'aligner sur ses intérêts et ses attentes. Donc, ce que tu dis est important, puisqu'effectivement, depuis un siècle, les États-Unis et la Grande-Bretagne, donc depuis la Première Guerre mondiale, ces deux pays sont liés, très fortement liés, et que maintenant qu'il y a une masse de plus en plus importante de musulmans, et surtout avec une influence de plus en plus forte, eh bien, cette alliance est menacée. C'est-à-dire que ce qui paraît inamovible, intangible, devient tout d'un coup renégociable, voilà. Et c'est pas du fait, évidemment, des Anglais britanniques blancs, hein. Non, c'est du fait de l'invasion musulmane, voilà. Vous laissez des musulmans rentrer, votre diplomatie va commencer à changer. Voilà, vous allez avoir des pressions intérieures vers l'extérieur. Bon, j'ai dit mon sentiment là-dessus, je vais pas aller chialer sur les Anglais, c'est bien fait pour leur gueule, c'est bien fait pour leur gueule. Rubrique numéro 3, c'est la gauchiasse de la semaine, et c'est Alain de Benoît. Alain de Benoît, alors ça surprendra ceux qui faisaient preuve de manque d'attention, parce qu'effectivement, Alain de Benoît, créateur officiel de la Nouvelle Droite, terme qu'il récuse d'ailleurs avec force, leader du Grèce, leader donc aussi de la revue Éléments, donc celui qui s'est posé pendant plus de 50 ans comme étant un des principaux penseurs, on va dire, de la droite, alors qu'évidemment, dans toute son ambiguïté, il a toujours refusé ce terme, vient d'avouer qu'il vote en fait à gauche et qu'en fait il est communiste. Alors ça ne surprendra pas les esprits les plus avertis, ceux qui savent lire et qui auront compris que le discours de Benoît depuis maintenant une vingtaine d'années, voire plus, est un discours de gauchiste, eh bien, ça y est, c'est formalisé, c'est acté, c'est assumé par l'intéressé. Voici ce qu'il nous dit dans la revue BuzzFeed, revue américaine. En version anglaise d'ailleurs, l'entretien est en version anglaise, qui appartient à des juifs démocrates de New York. Hein, donc c'est pas une revue... Bah non, c'est pas une revue de droite, hein, ça aurait été gênant. Voici ce qu'il nous dit, donc, de Benoît. Enfin, je cite l'entretien. « Il se voit maintenant comme plus à gauche qu'à droite. » Et dit qu'il aurait voté pour Bernie Sanders en 2016, donc le candidat d'extrême-gauche juif lors des élections présidentielles américaines de 2016. Donc voilà, c'est très clair. L'article précise, entre parenthèses, son premier choix durant les élections françaises était le candidat de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon. Il rejette tout lien entre sa nouvelle droite et la droite alternative, donc l'alt-right, qui a soutenu Donald Trump. Donc il n'a absolument, absolument rien à voir avec l'alt-right, donc qui rassemble des gens comme Richard Spencer, puis il y en a d'autres, hein, je veux dire, il n'y a pas que Richard Spencer, mais peut-être des gens comme Jared Taylor, etc., qu'on peut retrouver au sein du NPI, hein, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le NPI américain, New Policy Institute, au sein duquel il a donné des conférences à Alain de Benoît. Donc c'est très rigolo, moi je vais peut-être commencer par ça. C'est que cet enculé d'Alain de Benoît, du haut de ses 75 piges, crache pas seulement sur les mecs de droite, même pas sur son lectorat, parce que c'est quand même des gens d'extrême droite et en gros des crypto-nazis qui achètent ses bouquins, enfin qui achetaient ses bouquins jusqu'à présent, il crache même sur ceux qui l'invitent aux États-Unis pour faire des conférences. Il dit « Moi, j'ai rien à voir avec l'alt-right. » Alors qu'il est invité par le type, Richard Spencer, qui a créé l'expression même d'alt-right pour s'exprimer. Et il dit pas « Non, non, non » à Spencer. Il dit pas « Moi, j'ai rien à voir avec vous, je ne veux même pas savoir qui vous êtes. » Il va là-bas, il va faire un laïus pour vendre ses bouquins, et quand les juifs viennent lui poser une question, il dit « Moi, ces gens-là, je les méprise, j'ai rien à voir avec eux, je ne vois même pas de quoi vous parler, et de toute façon, je vote Bernie Sanders, je vote Mélenchon. » Ça, c'est le personnage. Et alors, pour enfoncer le clou, parce que autant l'enfoncer, hein, voilà, à l'adresse des gens qui pourrait éventuellement se revendiquer de son héritage, voici ce qu'il dit. Peut-être que des gens me considèrent comme leur père spirituel, mais je ne les considère pas comme mes fils spirituels. Bon, bah, voilà. Donc, c'est-à-dire que ce soit Richard Spencer, que ce soit des éditeurs divers dans le monde anglo-saxon, ou en France, des types, en fait, qui sont clairement, en gros, à l'extrême droite, ou des racialistes, etc., ou des nationalistes, ou des identitaires, ces gens-là, c'est pas ses fils spirituels. Ouais. Ses fils spirituels, ce sont, je présume, donc, les Arabes de Marseille qui votent Mélenchon, ce sont les gens du pire qui se reconnaissent dans Obono, hein, du groupe de Mélenchon à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est plutôt dans ces gens-là que Alain de Benoît se reconnaît, hein, à 75 piges, voilà, 50 ans de branlette intellectuelle, 50 ans à se prévaloir d'une bibliothèque de 200 000 volumes, combien a-t-il lu, on ne saura jamais, pour au final voter Mélenchon comme le dernier des bougnoules de la banlieue du nord de Marseille. Comme quoi, certains disent en fait que se branler, ça rend sourd, et comme finalement, lire de trop, ça relève de la branlette intellectuelle, bah en fait, lire de trop, ça rend sourd aussi. Voilà. Qui veut dire quelque chose là-dessus? Bah moi, je veux bien. Bon, je suis pas un grand connaisseur de ce penseur, et surtout de ce fumeur invétéré qui défie un peu les lois de la médecine en étant encore vivant à 75 ans, malgré un tabagisme ultra actif depuis des décennies. donc qui ressemble à une somme toute une sorte de clochard qui ressemble un peu à Renault en ce moment en fin de vie et qui se permet donc voilà d'avoir un jugement hautain, évidemment intellectuel au-dessus de la mêlée et qui ne veut surtout pas se mélanger avec tout ce qui est diabolisé, puisque c'est ça en fait au bout du compte, c'est que le mec même à 75 ans a encore voilà, quelques pudeurs de jeune fille à se faire diaboliser. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui... je pense pas que ce type-là ait la moindre influence sur des militants activistes. On parle beaucoup de lui, on parle de ses bouquins, mais je ne crois pas qu'il puisse avoir la moindre influence réelle sur des gens qui sont dans le combat politique, qui sont dans le combat de résistance civilisationnelle. Donc je crois que ce type n'a en fait aucun intérêt et qu'il disparaîtra dans un nuage de fumée au cours d'un cancer de la gorge, des poumons, ou alors peut-être qu'il a attaqué le cerveau, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fait ces déclarations complètement, complètement incohérentes. Bon voilà, je crois que ce type-là en fait a toujours été insignifiant et qu'il le sera après et qu'il n'a pas vraiment... Il n'aura pas d'œuvre littéraire, même si je pense qu'il a un ego complètement surdimensionné, comme malheureusement beaucoup de gens dans le milieu nationaliste. Hélas, il ne laissera qu'une trace de goudron pendant quelques années dans le milieu nationaliste ou au sein de la littérature, mais que c'est un type, voilà, c'est un raté, c'est un loser, et il ne fait que le confirmer. Alors moi, ce que je veux dire, après donner la parole à Magda, enfin, première remarque, c'est déjà ce type, il sent l'aigreur. C'est quelqu'un qui est amer, c'est quelqu'un qui est aigre et qui aime à le communiquer. Il aime faire savoir au final au public que son public est un mauvais public. Voilà. Vous n'êtes pas les gens, en fait vous ne méritez pas mes livres. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, en gros. Hein. Donc vraiment la présomption absolue, aucune espèce d'humilité, l'arrogance au dernier stade, voilà, vous ne méritez pas mes livres, vous ne me méritez pas, vous ne méritez pas mon œuvre, d'ailleurs vous ne la comprenez pas, et d'ailleurs mon drame, c'est que des gens de droite achètent mes bouquins, car je n'aurais jamais tant aimé que d'être lu par des gens de gauche et d'être estimé par des gens de gauche. Donc l'amertume, l'aigreur, qui le rend de plus en plus agressif et de plus en plus insultant à l'égard des, bah, finalement des gens encore assez naïfs ou peut-être un petit peu trop bons à son égard pour acheter ses bouquins. Donc premier point. Ensuite, ce type est vraiment, c'est vraiment l'exemple même de l'escroquerie intellectuelle. Parce que voilà quelqu'un, en gros, qui est à l'image de sa génération, c'est-à-dire que c'est une saloperie de 68ards. Qu'est-ce qu'un 68ard, si ce n'est d'abord et avant tout, je veux dire, au plan archétypal, un sale petit prof moraliste, hein, un curé raté, qui veut donner des leçons, des bons points aux uns et aux autres, tout en ne faisant lui de son côté absolument rien, ne prenant aucun risque. Ce que je retiens chez De Benoît, c'est la lâcheté profonde du personnage. Le type est un lâche intégral. Il a toujours tout fait pour éviter les coups, pour éviter les prises de risque, pour encourager des gens qui s'exposent. À chaque fois que des gens... qui sont proches de ses idées au départ, hein, je veux dire, au moins au plan théorique, ont voulu faire quelque chose pour aller dans une forme de résistance, il a constamment récusé, c'est absolument permanent chez lui, c'est la lâcheté. Le type, c'est vraiment le sale prof, faiblard, l'avorton physique, qui sermonne, parce qu'en fait, il jubile d'humilier, de mettre en difficulté des êtres que je crois il envie, en fait. Et c'est là, on a un cas psychologique assez intéressant. Il est jaloux et il veut abaisser, avilir, abattre, quelque part. Donc là, on a le prof, le curton, qui arrive, il a besoin d'une morale, parce que pour abattre plus fort que lui, c'est ça qui est très marrant et très ambivalent chez lui, c'est qu'il se revendique d'une d'une philosophie de l'énergie, d'une forme de vitalisme récusant en fait le christianisme qui affaiblit et tout. Donc c'est une forme de vie. Or, chez lui, la pratique, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la moralisation, c'est essayer de castrer. Il castre, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire comme si, ce que vous faites est mal, etc. C'est le coupeur de cheveux en quatre par excellence, celui qui veut vous empêcher d'agir, celui qui veut vous affaiblir. Très paradoxal, ce type, au final. Là, je vais m'en tenir à ça, je vais donner la parole à Magdav, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce type, et sur le courant d'idées qu'il représente. Vas-y, Magdav. Bah écoute, moi, quand je vois Alain de Benoist, la première chose à laquelle je pense, ce n'est pas sa bibliothèque de 200 000 bouquins, enfin, faut quand même se mettre à l'idée qu'il y a 360 jours, 365 jours dans une année, donc c'est vraiment de la collectionnite maladive. Moi, ce que je pense en voyant la gueule d'Alain de Benoist, c'est juste à prendre une douche, à me brosser les dents et aller faire du sport. C'est tout. Non, mais comment c'est possible? Quand tu fais du sport, il crève. Là, attends, 75 ans après 60 ans de tabagisme, là, c'est pas possible. Non, mais moi, c'est comme Houellebecq, en fait. Je sais pas, il y a peut-être qu'ils sont en compétition pour avoir le look le plus crade possible. Mais Houellebecq, on le sait dans ses écrits, parce que ses écrits, ça déborde de cul, on sait qu'il est crade. On le sait, il n'y a pas de problème. Mais même dans Houellebecq, il y a une idée, quoi. Il y a quand même quelques idées chez Houellebecq. Même pas chez De Benoist. Et ce type-là, qui serait un penseur de droite, incarne l'antithèse la plus pure de la droite. Est-ce que ce mec a déjà travaillé? Est-ce qu'il a déjà sué dans sa vie, ce mec? Est-ce qu'il sait ce que c'est que la sueur? Est-ce qu'il sait ce que c'est de rentrer après une journée de boulot? Crever et, non, il ne sait pas. C'est, donc, non, c'est, il est c'est au-dessus de ce type-là. Ouais, il est tout à fait au-dessus. Et tu disais tout à l'heure, Gandalf, que effectivement, c'était vraiment un moderne. Mais c'est quand même... Quoi qu'on puisse penser de lui, tu vois, il gravite quand même autour de pas mal de revues. Alors effectivement, Élément, c'est devenu un Télérama pour Bobo de droite, mais il y a quand même une influence, tu vois. Il est reconnu dans le milieu. T'as Richard Spencer qui l'invite aux États-Unis pour délivrer une conférence. Et ce type, comme la dernière des mères de 68 tardes, renie ses gamins. Ben tu oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un sale prof aigri et amer qui, parce qu'il a... En fait, il voulait réussir et qu'il s'est trouvé à un moment donné à l'extrême droite au début de sa carrière. Moi, comme je dis, c'est un gauchiste qui s'est perdu à l'extrême droite et qui a passé sa vie à donner des justifications pour essayer d'être réhabilité par la gauche. Donc, il a voulu... prétendre s'opposer au système et à la bourgeoisie tout en recevant la validation de cette même bourgeoisie, donc en recevant, on va dire, l'aval symbolique des autorités de la gauche intellectuelle. Et systématiquement, dans toutes les interviews qu'il fait, il dit « la droite dont je ne fais pas partie ». Vous voyez, c'est ce besoin de se distancer, mais ce besoin de péteux intégral, de se distancer... De son propre lectorat. Je veux dire, c'est simplement une question de tenue, c'est une question de comportement. Ce mec ne respecte même pas les gens qui le font vivre. Il n'a même pas cette décence élémentaire. Ça, c'est typique de cette génération infecte de 68. C'est les mecs qui crachent ouvertement sur toute forme d'autorité, et bien sûr, de la même façon qu'il ne reconnaît pas, en fait, le principe d'autorité au-dessus de lui, il dégueule sur ceux qui pourraient en fait être des gens qui, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent, feraient de lui un père spirituel. Non, ces gens-là sont des nihilistes, c'est-à-dire qu'il n'y a ni avant ni après. Ni avant ni après. Et par contre, il distribue les bons points, parce que c'est des curés ratés, hein, c'est des curés ratés comme tous les profs, Et donc voilà, les vieux sont trop vieux, les jeunes sont trop jeunes, et lui est trop parfait d'ailleurs pour ce public, et voilà. Moi, des gens comme ça, honnêtement, moi je vois deux Benoît, je ne lui adresse pas la parole, je lui fous un aller-retour. C'est tout, des gens comme ça. Et ça a pollué notre environnement intellectuel pendant très très très longtemps, parce que des gens pouvant trouver que son travail ayant compté, etc., se disent, bon, après tout, sa parole peut avoir de la valeur, ou les gens qu'il coopte peuvent avoir de la valeur intellectuelle, ben après tout, je vais écouter ce qu'ils disent. Et au final, que nous dit-il? Parce que ça, c'est un autre point sur lequel je veux revenir. C'est quelqu'un qui a fait profession toute sa vie, bon gauchiste, en fait, de 68, de vomir sur le christianisme. Bon. Moi, je ne vais pas me transformer en évêque ici, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils ne doivent pas croire. Mais je pense que quand on parle de christianisme, il faut y aller avec une solide connaissance et une certaine prudence. Parce que c'est quand même 1500 ans au moins d'histoire spirituelle, culturelle et historique européenne. Voilà, on ne peut pas y aller à coups de burin comme une espèce d'abruti. Il faut y aller tranquillement, avec modération, même quand on veut critiquer, quoi. Et ce type-là a fait profession d'anti-christianisme total, rabique, et c'est un peu le fil conducteur de sa pensée. Donc on devrait se dire, au moment où l'islam est en train d'émerger, pointe à l'horizon, sur l'horizon de l'Occident, on devrait se dire, là on va trouver chez De Benoît quelqu'un qui va critiquer le monothéisme abrahamique jusqu'au bout. Il va non seulement condamner le christianisme, non seulement le judaïsme, mais bien évidemment l'islam. Et pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est tout d'un coup, ayant vomi le christianisme, s'étant progressivement rapproché de tout ce qui pouvait être anti-américain aussi, évidemment, tout en allant faire des conférences et vendre ses bouquins en Amérique, hein, bon, bien sûr, il faut quand même savoir où se trouve son portefeuille, eh bien, voilà notre monsieur qui retient les coups, hein, contre le monde musulman et contre la pouillerie musulmane qui nous envahit. Alors là, il faut faire preuve de modération, de finesse, il faut pas amalgamer l'islam ça veut rien dire, hein, il faut rentrer dans le... Voilà, il y a les malékites, les chiites, les sunnites, les trucs, les bins, voilà. Là, il faut être prudent, il faut marcher sur des œufs. Et ce monsieur nous dit que au-delà de ça, il faut même choisir son camp. Je vais juste vous citer ça, je vous donne la parole, pour bien comprendre quand même où son cœur bat, parce que c'est quand même quelqu'un qui nous a dit, et combien de gens de la Nouvelle Droite sont venus me voir en me disant ça. C'est-à-dire, le christianisme, religion du désert. Admettons. Bon, le pape de la Nouvelle Droite devrait fuir le désert oriental, mais avec révulsion. Pas du tout. C'est-à-dire que De Benoît s'est découvert une passion absolue pour Jérusalem. C'est-à-dire le trou de chiottes là-bas, au fin fond du Moyen-Orient, là, il s'est découvert une passion. Je vous le lis, texto, hein, comme ça vous allez dire que j'élabore sur des bases. C'est un entretien accordé aux frères musulmans de Fils de France, Kamel Béchir. Donc c'est les frères musulmans, hein, c'est UOIF. Hein. Ceux qui pensent que ce qui se passe à Jérusalem ne les regarde pas, sont tout simplement des imbéciles, qu'on pourrait comparer aux plus obtus des know-nothing américains. Bon, le petit crachat sur l'Amérique. Dans un monde globalisé où tout retentit sur tout, il est évident que nous sommes tous concernés par ce qui se passe en Palestine, et que nous le sommes d'autant plus que c'est aujourd'hui l'une des régions du monde où l'actualité est la plus fondamentalement décisive. L'avenir du monde dépend pour une large part de ce qui va se passer dans les années et les décennies qui viennent au Proche-Orient. Donc voilà, donc le conflit israélo-palestinien décisif pour l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas Alain Finkielkraut qui s'exprime, hein, c'est pas non plus Marwan Muhammad qui s'exprime, c'est Alain de Benoît, hein, le penseur des forêts noires de Scandinavie. Bon, voilà, c'est lui qui s'exprime. Et alors, il enchaînait, l'association Fils de France cherche à développer l'amour de la France chez nos concitoyens musulmans, sans leur demander de renier leurs croyances, ni faire payer leur nécessaire adhésion à la maison commune de l'oubli de leurs racines particulières. Et il terminait en leur lançant un, je cite, fraternel salut. Donc les bougnoules voulant aider bougnoules en France reçoivent le fraternel salut de Alain de Benoît. Qui réagit là-dessus? Qui c'est qui a écrit? C'est Alain Soral ou... Bah, c'était cité par Alain Soral d'ailleurs, évidemment, il ne s'est pas trompé, mais c'est Alain de Benoît qui s'exprime. Donc, je répète, hein, le combattant anti-monothéiste hein, de la tradition gréco-romaine, païenne, polythéiste, voilà, c'est lui qui courtise ces chers musulmans qui veulent vivre leur tradition en France, hein, c'est-à-dire égorger des moutons dans des baignoires, bouffer du halal, évidemment, tant qu'ils voudront. Bon, oui, voilà. Donc, fraternel salut. Qui veut... Frodon, tu veux t'exprimer? Oui, je serai bref, hein, mais simplement pour dire quel temps perdu, quelle énergie gâchée à toutes ces personnes qui ont suivi ce cendrier humain, ce vieux mégot qui croyait en une partie de ses idées, en ce qu'il pouvait représenter, etc. Et qui se retrouve finalement cocu, comme toute personne qui croit en la gauche, au final. C'est très rigolo, mais c'est très triste. C'est très triste parce que ça a duré pendant très longtemps. Ça a duré à un moment où si des personnes de bonne volonté s'étaient rencontrées, avaient pu agir, etc., les choses auraient pu se passer différemment en France et en Europe. Et avec des loustiques de son espèce, les choses ont stagné et on en est où on en est actuellement grâce à cette moisissure qui est Alain de Benoît et qui empêche d'agir. Ça s'appelle réfléchir et agir, son truc, je crois. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais c'est okay. Réfléchir et agir, ça se situe quand même dans une continuité avec la nouvelle droite. Je dirais pas qu'ils sont absolument sur la ligne d'Alain de Benoît, dont une ligne d'ailleurs dont quelqu'un m'a dit ça d'ailleurs. C'était MacDav qui m'a dit ça. En fait, de Benoît, c'est comme moi, je suis d'accord la comparaison avec Onfray. C'est-à-dire que ce sont des éponges, ce sont des historiens des idées, ce sont pas des penseurs du tout. Enfin, de Benoît n'a pas pensé. Il a régurgité des penseurs qu'il a lus, et ce sont des historiens d'idées et ce sont des éponges. Donc là, je suis d'accord avec MacDav. De ce point de vue-là, il a raison, mais il n'a pas proposé d'idées originales ou quoi que ce soit. Et réfléchir et agir se situe, on va dire, dans l'école de la nouvelle droite, donc quand même ethno-différentialiste, etc., donc ce qui est quand même plus large. Ne réduisons pas la nouvelle droite à Alain de Benoît, quand même. Mais il en a été une des figures de proue, avant de le rejeter, parce que lui, maintenant, ça fait maintenant un certain nombre de décennies qu'il essaye d'exister aux yeux de la gauche. Ça c'est frappant aussi, ça, humainement, je veux dire. D'essayer d'exister auprès de la bourgeoisie que tu prétends combattre. C'est quelle plus belle manifestation de tocardise que ça. Je veux dire, c'est un tocard parce qu'il essaye de complaire à ceux qui tiennent le pouvoir. Qui tient le pouvoir aujourd'hui en France? Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Et en fait, ce qui explique son refus du conflit. Parce qu'il se dit, si je vais défendre une position trop radicale, je vais me mettre en porte-à-faux et je vais me griller. Et au-delà de ça, donc au-delà du côté péteux, mais vraiment atavique chez ce mec-là, c'est la condamnation de tous ceux qui osent. Par différence, vous voyez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, ayant conscience d'être un tocard, ayant conscience d'être un péteux, mais ne voulant pas l'admettre publiquement, il s'agit de délégitimer les mecs qui, eux, à côté de lui, voire même de la même filiation idéologique, vont oser et vont franchir le Rubicon. Et là, il va s'agir de dire, ils sont irresponsables, ils sont bêtes, ils sont bas du front, ce sont des gens qui manquent de finesse, de raffinement intellectuel, ce sont des gens dont il faut se départir absolument, etc. Donc c'est vraiment la pensée qui tourne en rond, c'est la lâcheté profonde. C'est même clairement l'inanité, je devrais dire, et ça marche, et surtout l'incohérence pratique. hein, le pourfend en dehors du monothéisme qui devient pratiquement un compagnon de route de la Ouma, hein, voilà, c'est ça, des mecs comme ça. Mais intéressant comme évolution aussi, puisque on trouve ça chez des communistes, en fait. C'est-à-dire que combien de communistes ne finissent pas à soutenir l'islam par rejet au départ du christianisme, puis ensuite du capitalisme, hein, c'est un grand contenteur du capitalisme. Alors je suis pas convaincu qu'en Chine on rejette tellement le capitalisme, enfin bon, lui il identifie totalement le capitalisme avec l'Occident, etc. Donc rejet du christianisme, rejet du capitalisme, et ben oui, on finit dans le communisme, et puis ensuite avec l'islam, effectivement, et on termine par voter Mélenchon. Alors moi je dis, méfiez-vous des gens qui lisent pendant un demi-siècle des dizaines de milliers de bouquins, parce que finalement, ça finit comme ça, quoi. Et là où je te rejoins, alors Frodon, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce type a servi... Tu cherchais le terme, en fait, tu disais c'est une glue, etc. Moi, je pense que c'est un mec qui est un inhibiteur. C'est un inhibiteur, ce mec. Exactement. C'est un inhibiteur, et donc tous les types qui voudraient passer à l'action et qui ont cherché à lire, etc., se sont dit « bah ouais, effectivement, je peux quand même pas, parce que j'ai lu Alain de Benoît qui m'a dit tel ou tel argument. » Eh ben non. Eh ben non. Voilà, non. Il faut passer à l'action, et là, je rejoins Guillaume Fay. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à Guillaume Fay. Notamment le fait qu'il courtise un peu les juifs, Guillaume Fay. Il a dit, voilà, il faut être bien avec les juifs, etc. C'est un fait, ça c'est clair chez Guillaume Fay. Enfin, il a expliqué tout. Ça lui a valu une volée de bois vert, etc. Bon, qui n'est pas totalement immérité, quoi. Bon, après, je pense que Guillaume Fay n'est pas quelqu'un de fondamentalement mal intentionné. Je ne dis pas non plus que c'est le gars qu'il faut absolument suivre, surtout, quoi. Mais je pense qu'il a chez Guillaume Fay, ce que j'aime bien, c'est finalement qu'il colle quand même globalement à certaines réalités assez intangibles. Et il dit la chose suivante, je vais le citer d'ailleurs. Il dit « De Benoît est un homme du système, pas un révolutionnaire. Ce que je disais à cette époque, donc dans les années 80, c'était de se débarrasser des immigrés et ensuite on ferait de l'ethno-différentialisme. En bref, résume Fay, je crois en la guerre civile. De Benoît est contre la guerre civile. » Et c'est absolument vrai. Alors, bon, Fay dit « je crois en la guerre civile », je pense que le terme le plus exact, ce serait de dire « je pense qu'effectivement, la guerre civile va advenir, larvée, pas larvée, ça c'est une autre question, mais je crois que c'est une réalité qui s'impose à nous ». Et lui dit « De Benoît veut à tout prix éviter la guerre civile », donc la position du capitular, qu'on va retrouver chez tous les islamophiles, soit conscients, soit inconscients, notamment chez Soral, c'est-à-dire à tout prix évitant le conflit, quitte à bazarder nos femmes, notre pays, notre cul, etc., tout sauf la violence. Hein. Ça, c'est l'attitude typique de la gauche qu'on retrouve chez Soral et qu'on retrouve chez De Benoît. Donc, très drôle de retrouver chez un adepte revendiqué de Carl Schmitt le refus du conflit. C'est quand même cocasse, je veux dire. C'est quand même cocasse. Qui veut embrayer là-dessus? Enfin, là-dessus ou sur autre chose, quoi, sur chez ce mec, hein. Là, il faut y aller. Il y a un truc, mais qui me gêne, en fait. C'est-à-dire que... Je vais vous donner le fond de ma pensée. Bon, l'extrême droite, c'est quand même un milieu qui est assez hétéroclite. On n'a pas forcément des gens de qualité à l'intérieur. Donc, s'il y a des gens assez influents qui ont envie de critiquer notre milieu, en fait, pourquoi pas? Mais à condition, en fait, que cette critique soit positive et qu'elle serve, en fait, à améliorer le matériel humain et qu'elle serve à... qu'elle serve la cause, en fait. Parce que, caresser les gens dans le sens du poil, ça mène nulle part. Traiter les gens d'abrutis, même quand ils le sont, en fait, si derrière, on ne tend pas la main, on n'essaie pas d'élever leur niveau, ça ne sert à rien non plus. Donc moi, ce qui me gêne plus chez les intellectuels dans ce genre-là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mec aime se croire supérieur à tout le monde, aime le prouver et aime quand les gens lisent ce qu'il produit alors qu'ils étaient traités de cons. D'ailleurs, Soral l'a fait aussi, donc il y a peut-être un lien là-dedans, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me gêne. Après, vous avez parlé de, d'inhibition, enfin que c'était un inhibiteur. Ouais, effectivement, c'est, ça fait déjà 2 semaines là, qu'on parle un petit peu des travers qu'ont les gens. La semaine dernière, on a parlé de l'impuissance acquise, en fait. Effectivement, de Benoît, quelque part, c'est pas exactement de l'impuissance acquise, mais il vous le dit d'une façon détournée, mais c'est pareil, c'est ne faites rien parce que ça sert à rien. Donc, quand on veut se réclamer de nos milieux, en fait, c'est vrai qu'il faudrait être à même de pouvoir représenter, tant physiquement qu'intellectuellement, les valeurs dont on se réclame, en fait. Et je crois que c'est un des problèmes majeurs de notre mouvance, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens de bonne volonté, on a des gens qui comprennent les choses, tout le monde n'est pas forcément intellectuellement suffisamment bien doté, on a des gens intelligents, des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et puis en fait, tout ça, c'est pas organisé, et puis les seuls qui organisent ça un petit peu, qui surfent là-dessus, c'est le Front National, et puis Dieu sait, avec tout ce qu'on a dit sur le Front National, on va pas répéter, quoi. Moi j'aimerais bien un jour voir arriver une espèce de Vercingétorix, hein, parce que moi on est en France, donc on va parler de références françaises, enfin gauloises, quoi. Ça serait bien qu'un jour on ait quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur de tout ça et qui tende la main à un peu tout le monde et qui dise j'ai compris des choses, je vais vous en faire profiter et puis maintenant on va essayer de faire quelque chose tous ensemble et je vais vous secouer les puces parce qu'apparemment il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais le but c'est de quoi, c'est de faire en fait. Et non pas, c'est juste de se poser là et de vous cracher à la gueule en espérant que vous achetez des bouquins, quoi. Très bien observé. Très bien observé, effectivement. Qui d'autre ? Personne sur ce personnage, quand même ? Peut-être une petite chose, une petite anecdote. Il y a longtemps, plus de 10 ans, il y a des gens qui ont déterré le Lascar en question. Et je peux citer un nom, il y a eu le linguiste belge Robert Stoeckers, qui s'en était pris dans un et sans doute même plusieurs écrits à Alain de Benoît, le mettant en doute, lui et ses idées. Ça avait fait une petite polémique à l'époque qui n'a pas couru, mais quand même. Alors, aujourd'hui, je pense qu'un Stoeckers que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, il doit rigoler, hein, et pas qu'un peu. Moi, je serais curieux d'entendre sa réaction, d'ailleurs. Alors, Robert Stoeckers, si c'est bien lui, je pense que c'est lui, a réagi sur un article qu'on a écrit à ce sujet-là, dans lequel il a donné les mentions, etc., en montrant que De Benoît était un escroc total, que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans la tradition de la révolution conservatrice. Je pense que un certain nombre de nos auditeurs connaissent, et que c'était quelqu'un qui avait utilisé en fait une veine tout en n'y croyant pas du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui personne n'est capable de dire ce que pense Alain de Benoît. Je pense que l'intéressé lui-même ne sait même pas ce qu'il pense. À mon avis, on en est là, c'est-à-dire que il en arrive aujourd'hui, clairement, il est maintenant dans une forme d'humanitarisme qui n'a rien à envier à Emmaüs. D'ailleurs, je vais vous dire, ça va si loin qu'aujourd'hui, je ne fais plus aucune distinction en raison de l'anticapitalisme affiché, de l'anti-américanisme affiché, de l'islamophilie affichée. Je ne fais plus aucune distinction entre Alain de Benoît et, le zapatiste du Saint-Siège. Moi, Bergoglio, Alain de Benoît, même combat. Il doit être d'ailleurs bien emmerdé, parce que probablement la seule veine durable dans la pensée d'Alain de Benoît, c'est l'antichristianisme. Il doit quand même être bien emmerdé d'être sur la même page que le pape. Ça doit bien le faire chier. J'ai envie de dire, Alain de Benoît, c'est un petit peu le Vatican II du paganisme. Marrant. C'est le Vatican II du paganisme. Voilà. Au départ, ça part sur des trucs très tonitruants, et puis on finit par torcher le cul des nègres. Hein, en chantant la Shahada. Alain de Benoît, si tu nous regardes, on t'emmerde, vieux con. Tu laisseras pas grand-chose, si ce n'est une trace de goudron, comme disait notre ami Argyle. Qui d'autre ? Moi, je me demande un petit peu, si je puis me permettre, je me demande un petit peu si le type n'a pas de la rancœur contre ceux à qui il s'adressait dans le passé. Et que il leur reproche quelque part de ne pas avoir reconnu son talent, son génie, la nouveauté, l'originalité des idées qu'il exposait. Peut-être parce que ceux qui le lisaient ou qui l'écoutaient étaient peut-être plus malins que je ne le crois et qu'ils ont deviné que c'était un peu du copier-coller d'autres auteurs. C'est possible. Et moi, je crois qu'il en veut. Il en veut à ceux dont il attendait beaucoup plus. Et que maintenant, arrivé à un âge, il réalise que sa vie en tant que penseur a été un échec et vomit sa boule. Je crois que c'est simplement ça. Je ne sais pas. Hein. Bah, c'est ce que je disais, je pense que c'est l'aigreur pure. Et je pense que cette aigreur, d'une certaine façon, est justifiée puisqu'il ne va absolument rien laisser. C'est-à-dire que personne ne peut citer un ouvrage d'Alain de Benoist de qualité qui soit original. C'est-à-dire qu'il a créé... Il y a un bouquin qui se dégage un peu plus des autres, c'est Vue de droite. Bon, c'est un peu triste, il a 40 ans ce bouquin-là. Entre-temps, il a rien écrit de qualité. Et ce bouquin n'est simplement qu'une recension de... Oui, ça relève de l'histoire des idées. C'est comme Onfray. Hein. Onfray, c'est à peu près du même acabit. Il n'y a rien d'original. Voilà, bon. Et, 40 ans plus tard, bon, il n'a rien... véritablement créé. Il a essayé de surfer sur plusieurs... Parce qu'il a essayé, de tout emprunter, ce mec-là. À un moment donné, de Benoist était devenu le chantre de la décroissance. Alors lui, voilà, il s'en fout, de toute façon. Je veux dire, lui, demain, si la croissance est à la mode, il sera le chantre de la croissance, il s'en fout. Mais il se dit, ouais, c'est très à la mode, la touche, etc., je vais embrayer le truc. Et toujours dans cette idée chez lui de... D'être au milieu, c'est un centriste. Quand je parle de lâcheté, c'est un centriste. C'est un mec qui veut éviter à la fois les coups à droite et les coups à gauche. Mais d'être en situation de donner des leçons, comme le petit curton qu'il est, à des mecs de gauche et à des mecs de droite. Donc il s'est dit, si je vais sur la décroissance, je vais sur une thématique d'extrême gauche, bon, en l'occurrence... l'extrême gauche antiproductiviste écologiste, quoi, qui est un courant un peu particulier, et ça va me permettre d'être à la fois un petit peu jeune, hein, à la mode, mais de critiquer une certaine gauche et de critiquer une certaine droite. Donc toujours l'enculé qui veut jouer le matu-vu en disant voilà, vous pas bien, vous bien, etc. Gros tocard ! Mais c'est ça qui me fait marrer, quoi. Des mecs comme ça, ce sont des nuls intégraux qui se fout totalement, tu vois, de la réalité de ce que vivent les gens, et pas étonnant, en fait, que dans la course électorale aux États-Unis, il ait opté pour Sanders, hein, évidemment, l'ami des forêts du Nord, Sanders, hein, bien sûr, hein, c'est évident, et pas pour Trump, hein, qui, lui, faut croire, a reçu l'écho des masses populaires, visiblement, hein. Donc, toujours la même chose, quoi, voilà, c'est... En fait, c'est ça, ce que je retiens de ce type-là, c'est que c'est un sociopathe, comme tous les gauchistes, c'est-à-dire qu'il déteste la société, en général. Alors, on peut ne pas aimer l'orientation d'une société, on peut ne pas aimer certaines valeurs qui prévalent dans une société, mais lui, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que lui n'aime pas, par définition, s'insérer dans une société, c'est le moine... replié dans sa grotte, qui distribue ses condamnations à des gens d'ailleurs qui n'en ont rien à foutre, et qui pense paradoxalement vouloir guider cette même société qu'il exècre. Bon, de Benoist, sa place avec son cendrier, c'est dans la benne à ordures, il a servi à rien, 50 ans de branlette intellectuelle pour voter communiste, aux chiottes. Et en plus, la gauche n'a pas besoin de lui. Donc, il est foutu, il s'est tiré une balle dans les deux pieds, et les gauchistes ne voudront pas payer le cercueil. Ça, c'est clair. Donc, moi, si je voulais terminer cette discussion là-dessus, et cette émission aussi là-dessus, c'est franchement, le papier qui noircit, ça ne sert à rien, sa revue élément, ça ne sert à rien, le bonhomme, objectivement, ne sert à rien, de Benoist, poubelle. Poubelle, voilà, mais quand cendrier. Même... poubelle cendrier, mais par élégance, en Palestine. Voilà, dans une belle poubelle en Palestine. Voilà, Alain de Benoît. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.